Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 81e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et autour d'un VR, le podcast de la passion du jeu vidéo et de la passion de la VR. Entre passionnés, j'accueille Laurent. Salut Lolo. Salut tout le monde. Ça va? Oui, toujours. Il fait chaud. Oui. On va pas se plaindre. Ensuite, nous avons El Rocco. Salut El. Et salut. Et salut. Ça va bien? Comment vas-tu? Moi ça va, pépère. Hein. Tranquille, je m'occupe de ma piscine, c'est bien. T'as de la chance d'en avoir une. Moi, j'ai une petite piscine de bébé. C'est une petite aussi, mais t'es quand même bien content de l'avoir. Nous avons Majo. Salut Majo. Hello. Le retour du héros. Le retour du héros, ouais. Effectivement. Comment allez-vous? Ça va, nickel. Impeccable. Au top. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Ouais. Je vois que Lolo est toujours en duplex. Comment ça? Avec son petit décalage. Non, ça va. En fait, on a le son et la bouche en même temps. C'est nickel. Tout à l'heure, ils m'ont dit que c'était pas mal. Et là, maintenant qu'on est en ligne, ils vont dire que c'est tout pourri. Exactement. Voilà, tu sais comment c'est ça normal. Se passe. Dès qu'on lance l'enregistrement, en général, c'est là que ça foire complètement. Les fameux aléas du direct en différé. Eh oui, mes chers Simone. Et on a quand même pas mal de choses à raconter pour cette nouvelle émission, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui ont été annoncées, pas mal d'informations qui ont été dites. On va revenir sur tout ça en détail. Je vais faire la promo maintenant, autour d'un VR, le podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de podcast, sur la chaîne YouTube dans la version vidéo, la chaîne YouTube principale de VR for Player maintenant. Pour nous aider, soit vous avez le Tipeee que vous pouvez retrouver le lien sur le site. D'ailleurs, assez difficilement, j'ai l'impression, Laurent. Vous trouvez le Tipeee? Ouais. Il est où, tiens? Ah voilà, c'est ça. Ah. Tu le remettras. Il y a TikTok. Formidable. On s'en fout de TikTok. Enfin oui, vous pouvez le trouver aussi sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook. Je le mettrai. Twitter, le meilleur. Il clignotera ou un truc comme ça. Voilà. Mais un truc bien putaclic, tu vois, le truc clic, comme ça. Cliquez ici. Cliquez ici pour gagner une version d'un jeu. Voilà, c'est ça. Donc ça sera faux, bien évidemment. En fait, il gagne rien. En fait, ils nous donnent des ronds. Yes. Donc voilà, sinon pour nous aider, vous avez aussi la possibilité de noter le podcast, de mettre des étoiles sur les applications de podcast, de commenter sur YouTube. Même si c'est pour nous dire qu'on est des cons, il n'y a pas de problème, vous commentez, vous mettez des pouces en l'air, et puis nous, ça nous fait bien plaisir. Je remercie vraiment les gens justement qui participent à ce niveau-là sur la chaîne YouTube notamment. Et qui nous mettent des messages super sympas qui nous font vraiment très très plaisir. Merci les gars, en tout cas c'est grâce à vous qu'on continue. Merci. Voilà, il faut le dire parce que franchement ça fait toujours bien plaisir. Les deux autres, vous lâchez pas, hein, surtout. Bande d'ingrats. Donc merci à vous deux. Il y a quoi d'autre? Il y a le Discord que j'avais oublié il y a deux semaines. Vous pouvez nous retrouver et discuter avec une commu bien cool. Il y a aussi les promos, il y a plein de choses qui sont bien. Vous pouvez vous retrouver pour jouer à des jeux multi, pour parler de VR sur PC, plein de choses. Donc voilà, c'est super. Je cherche le lien Tipeee, je ne le trouve pas. Non, c'est possible. Eh oui. Qu'est-ce que tu disais, Laurent? Je cherche le lien Tipeee, je le trouve pas. Ouais, t'as vu, hein. Si. Franchement, c'est vraiment... les mecs, ils ont tellement la loose qu'ils ont même pas envie de gagner, quoi. Franchement, c'est bien d'en faire la promo si ça fait deux ans qu'ils fonctionnent plus. C'est parfait. Ils n'ont même pas les moyens d'y arriver. Ça se trouve, ça fait 4 ans et demi que le lien est plus là. Et puis nous, on n'arrête pas de dire « Allez sur notre site, cliquez sur le lien Tipeee. » Il n'y en a pas. Ouais, en fait, c'est depuis la dernière mise à jour du site. J'ai l'impression que le truc, je le vois plus, quoi. Avant, il y avait une petite tuile qui était sur la droite, je crois, du site. Ouais. Et quand t'as tout réorganisé, dégagé. Et j'ai dû la faire sauter, j'ai même pas vu, tu vois. Parce que je voulais remercier en fait les gens qui donnaient dessus, mais j'ai même pas trouvé le lien, donc. Du coup, le site aussi, on peut nous retrouver sur le site de VR for Player. Oui, bien évidemment. VR for Player, qu'il faut le rappeler, est spécialisé dans la réalité virtuelle sur PSVR, même si on parle un petit c'est peu de PC. C'est pour ça qu'on parle de tout. Et c'est pour ça, même si on parle un petit peu de PC et un petit peu de Quest, et ben ça reste quand même pas notre cœur de ligne éditoriale. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Bien. Après cette intro beaucoup trop longue, on va passer du Heureusement que c'est chapitré. Voilà, donc vous pourrez... Non, c'est chapitré pour sur la YouTube. Pardon, pour la version YouTube, heureusement que c'est chapitré. Voilà, en audio... On peut d'ailleurs faire des chapitres pour la version audio. La version audio, ouais, mais non. Non, non. Non, je crois même pas que ce soit possible, en plus. Donc, voilà. Si, c'est possible. C'est possible, mais c'est il a pas vraiment envie. Non, non, c'est pas possible. Non, j'ai fait des recherches, c'est un petit peu comme le lien Tipeee, c'est pas possible. Voilà. Bah, tu m'as troublé avec ton lien Tipeee. Non, mais tu verras ça pendant l'émission. Enfin, tu vas pas l'installer pendant l'émission non plus. Enfin, bon, sauf si t'es capable, hein, vas-y. Hein. Non, on va commencer par toi, mon petit Laurent, avec les news. Les news. Les news. Alors, les news, alors c'est marrant parce que la semaine dernière, dans l'émission 80, bon, on vous a parlé de deux jeux, de Green Hell VR et de Ghostbuster VR. Et vous en parlez. Et bien, pile cette semaine, il y a eu des news sur ces deux jeux. Donc, la semaine dernière, on disait attention, ces jeux, il vaut mieux avoir faut les garder à l'œil parce qu'ils sont suspicieux pour arriver sur le PlayStation VR 2. Mmh. Et donc, cette semaine, et ben déjà, les devs de Ghostbuster VR ont pris la parole. Et puis, pas qu'un peu, parce que donc, les développeurs de Ghostbuster VR, donc c'est N-Dreams, on avait dit la semaine dernière qu'ils avaient déjà 6 jeux de prévus en VR. Depuis 2013, c'est un studio qui se spécialise que dans la réalité virtuelle. On leur doit des jeux comme Perfect, le petit truc de Zen Attitude sur PSVR, The Assembly, Bloody Zombie, Shooty Frotty et récemment Fract. The Assembly qui était pas mal et qui est sorti aussi sur PS4 mais en version plate, alors qu'il était en VR sur PC. C'était un petit jeu d'énigme. Si vous avez un casque PC VR, je vous le conseille. On trouve pas alors, cher en plus. Donc alors Perfect, The Assembly et Bloody Zombie, je crois que ça n'était pas encore. Je suis pas sûr que ce soit. C'était plutôt des commandes d'autres studios. Ils avaient épaulé d'autres studios. C'était N-Dreams, c'est sûr. T'as pas parlé du principal, bon, qui est pas sorti sur PSVR, mais qui était Phantom Cover-Ups, qui était vraiment très très bon. C'était leur premier gros jeu scénarisé, il me semble, où t'étais dans un kayak, tu faisais des missions d'espionnage en kayak. Ah oui, kayak VR. Voilà, qui avait eu une super critique, justement, et ils ont sorti Fract quelques temps après. Voilà, donc il performe, du coup. Il s'améliore avec le temps. D'ailleurs, donc, je précise vite fait que The Assembly, parce qu'en ce moment, c'est les petites promos sur le PlayStation Store, et The Assembly est justement à moins 80% à 5€ sur le store. Mais en plat. Mais en plat sur PSVR, enfin sur PS4. Il n'est pas en VR sur PS4. Hein? Ah d'accord. Eh ouais. Il est pas en VR. Non. The Assembly, il est en VR, The Assembly. Ah pourtant, il faut le casque VR et les moves. Ah, genre tu regardes quoi, un écran en plat? Peut-être que je me plante alors, mais il me semblait justement qu'il était sorti qu'en plat sur PS4. Ah non. Ah non. Non. Ah bah non. Ah, je dis de la merde alors, d'accord. Oui, absolument. Je vois la fiche du jeu, c'est PS caméra, casque et move, donc je l'ai en boîte, mais toujours pas lancé. Belle intervention, ça y est, merci. Eh ben, je vais bien fermer ma gueule, voilà. ça m'apprendra. Mais bon, voilà, il est à 5€. Donc, voilà. Pour les curieux. Bon, on parle de Ghostbuster. Oui, allez, vas-y. Donc, Ghostbuster, donc, c'est un jeu qui sera en coop à 4 joueurs et qui est déjà annoncé officiellement par le studio sur Quest 2. Alors, le truc le très drôle de la semaine dernière, c'est qu'on disait que celui-là, quand même, parce que c'était Sony, c'était Ghostbuster. Donc, je vous rappelle quand même que Ghostbuster, donc le film qui était le premier film qui est sorti en 1984, il a été produit par la Columbia. Et entre-temps, Columbia Pictures a été racheté par Sony Pictures. En 1989 pour 5 milliards de dollars. Donc en fait, la licence Ghostbuster appartient à Sony. C'est le truc qu'on vous avait dit la semaine dernière, c'est que Sony qui a la licence Ghostbuster, théoriquement, il ne va pas donner sa licence Ghostbuster. C'est comme s'il filait Spider-Man à Meta et que ça sortait jamais sur le PSVR 2. Et donc, ce qui était intéressant de savoir, c'est est-ce que ce Ghostbuster VR est une commande de Meta, dans le cas où Meta aurait donc payé et ce serait une exclusivité. Et donc là, il a répondu à cette question qui a été posée sur le site WCCFTech. Et donc, le directeur, le PDG de Endreams a répondu à la question, est-ce que ce sera une exclusivité Meta ? Et la réponse est non, ça ne sera pas une exclusivité MetaQuest. Je ne peux pas en dire plus, si ce n'est qu'évidemment, nous avons annoncé Ghostbuster VR avec Meta sur Quest 2. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible ailleurs et qu'il y aura peut-être de futures annonces, mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus que cela. Et après il y rajoute j'ai peur. Donc déjà officiellement on sait déjà que c'est un jeu de fantôme, que c'est oui, et puis qui sera pas exclusif. Donc ce qui veut dire, s'il n'est pas exclusif à Meta, bah, ça veut dire PC ou PSVR 2, il n'y a pas 50 solutions. Sachant qu'il y a Sony derrière avec la Columbia, il y a de grandes chances quand même que le PSVR 2 y ait droit. Et alors il est allé plus loin que ça, il ne s'est pas arrêté à ça. Il a lâché le morceau. Il parlait, en fait, le journaliste lui a posé une question toute simple. Vous avez déjà créé pas mal de jeux VR. En fait, vous êtes strictement un développeur VR, n'est-ce pas ? Et lui, il a balancé, Noël dernier a été brillant pour la réalité virtuelle, le Quest s'est vendu de manière phénoménale, et nous sommes très enthousiastes à l'idée que le PSVR 2 arrive à l'avenir. Alors qu'est-ce qui vient parler du PSVR 2 alors qu'on ne lui pose pas de questions de PSVR 2 ? Et donc, le journaliste a continué un petit peu en lui demandant... En tant que développeur de jeu, qu'est-ce qui est le plus excitant pour l'ensemble des fonctionnalités du PSVR 2 selon vous ? Alors là, il est parti, mais le mec, il est directeur de Endreams, il travaille pour Quest et il a déjà le PSVR 2, clairement, parce qu'il a dit « Je pense que ce sera la combinaison de la qualité visuelle que vous pouvez obtenir avec le PSVR 2 et évidemment la puissance d'une PS5 derrière avec le rendu FOVL, ce qui signifie que vous pouvez faire des mondes très, très haute résolution et très beau, ce qui est toujours génial car tout le monde aime regarder des choses magnifiques. Je pense que les contrôleurs haptiques sont fantastiques. Vous avez évidemment essayé les contrôleurs DualSense qui ajoutent beaucoup en termes de résistance si vous tirez avec un arc ou des flèches. Vous pouvez vraiment le sentir avec la résistance et en VR c'est encore plus important. Pour moi, les deux points forts du PSVR 2 ne sont probablement pas la qualité de ce que vous pouvez rendre et ce que les contrôleurs haptiques... Oh, j'ai dû faire une traduction à la con en anglais. Ouais, vous permettent de faire en termes d'aide à l'immersion. Cela vous aide vraiment à ressentir cela parce que blablabla. Nous utilisons Unreal comme type de moteur de choix pour nos joueurs et Unreal 5 est époustouflant. Alors, d'autant plus, déjà, il nous fait un méga chapitre sur le PSVR 2. Après, il nous dit que les scènes sont fantastiques, tout en sachant que la licence Ghostbuster appartient à Sony, que Endreams ont quasiment développé tous leurs jeux VR, quasiment, à part un, Kayak VR, sur PSVR. C'est Phantom Cover Ops. Kayak VR. Et donc, la dernière truc, c'est qu'il parle de Unreal, et il ne faut pas oublier non plus que Sony sont rentrés au capital de Unreal, et donc Unreal 5, qui c'est bien connu, aura des outils spécifiques pour la PS5. Donc, on peut J'ai déjà... J'ai une petite réflexion. J'ai une petite c'est réflexion officiel, pied dans mais... le plat. Parce qu'il est bien gentil, Coco, là, de nous parler Unreal 5. Ça va être génial. Les joueurs, ce qu'ils attendent, c'est des super beaux graphismes. Quand tu vois un petit peu la gueule de son Ghostbusters, là... c'est pas Unreal 5 qui me saute à la gueule, hein. Mais non, c'est la version Quest. C'est moche, quoi. C'est fini l'époque où ils faisaient des jeux Quest 2 et nous c'est les coloraient comme ça sur PSVR. C'est simple et coloré, voilà. Excuse-moi. C'est coloré. Alors c'est pas ouf. Vous êtes pas joueur. Mais non. Bah si, justement. C'est la version Quest, celle qu'on voit là. C'est écrit dessus, officiel trailer Meta Quest 2. Donc c'est sûr, c'est pas... tout pourri. Mais si tu regardes. On va encore se prendre des réflexions avec tes conneries. Mais c'est pas le Quest qui est tout pourri. Les jeux sont, hein, ils sont un peu plus pour rentrer dans un Quest. Donc là, il faut pas oublier que certainement ça arrivera sur d'autres licences. Donc ce qui veut dire qu'ils vont certainement le sortir sur PC et qu'il y aura certainement une version. Enfin, j'espère qu'on va pas se retaper encore sur PSVR 2 des versions Quest 2 parce qu'il y a quand même une petite différence de puissance entre la PS5 et un Quest 2 embarqué. Donc non. Et puis il y a autre chose qui est intéressant dans tout ça, c'est que, si je me rappelle bien, oui, le jeu se passera à San Francisco. Ça non plus, on ne le savait pas. Et c'est rigolo, parce que San Francisco, bah, c'est la ville du siège de Sony Interactive Entertainment, quand même. Donc, il y a quand même beaucoup de petits trucs qui font qu'il y a des chances qu'il déboule un jour, quoi. Voilà. C'est très Kojimesque, tout ça. Il y a beaucoup d'indices. C'est suspicieux. C'est très suspicieux. Bien. Ok. Pour Ghostbusters. Pour revenir à Ghostbusters et le trailer, c'est un teaser. Hein. Enfin, moche. C'est même un peu trop beau pour être du Quest. Il y a un peu trop d'effets de lumière dans le truc. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est au niveau des textures, c'est des textures c'est, très simples, c'est design très des personnages coloré, c'est très simple. Voilà, c'est très dessin animé, c'est très ouais. Voilà. J'ai rien contre, hein, ouais. Mais tu vois, même le jeu qui était sorti Ghostbusters, qui faisait office de Ghostbusters 3 à l'époque, qui est sorti il y a 10 ans sur Xbox 360 et PS3, je crois, il était plus beau, quoi. Alors c'est un petit peu ouais, un peu bizarre. Bref. Oh là là, mais comme quel casseur de trip. C'est vrai, c'est vrai. Je suis fatigué, du coup je vais être extrêmement désagréable. Voilà, je préviens. Formidable. Voilà. Formidable. Bon, allez je vous en mets un autre qui celui-là devrait être joli, c'est Green Hell VR. On en a parlé la semaine dernière. Parlons des vrais jeux. Couper du bois VR, super. Alors Green Hell, c'est les jeux qui passionnent Majo. Hein. Smoke in the Song, non, Song in the Smoke, c'est l'inverse. Song in the Smoke. Smoke in the Song. Ce soir, c'est c'est les hippies, total. Ça. C'est les hippies. Donc Song in the Smoke de Green Hell, c'est le même style, en plus joli apparemment. Donc c'est un jeu qui est également sorti sur Quest 2, mais par contre, alors il y a une petite histoire derrière, c'est un jeu d'un studio polonais, et la version de Green Hell classique appartient au studio Creepy Jar, un studio polonais qui a sorti son jeu le 5 septembre 2019 sur Steam, un jeu qui était plutôt joli. Ensuite, alors là on parle de jeu plat, hein, c'était vraiment le jeu plat. Donc après, ce n'est pas Creepy Jar qui ont développé les versions VR, ils ont signé un contrat avec le studio Incuvo Studio. Et donc dans ce contrat, ce studio Incuvo, qui est aussi polonais, devait s'occuper des versions VR. Donc jusqu'à présent, il avait développé la version Quest 2, allégée par rapport à la version plate niveau graphisme. Et donc, ben, ils viennent de signer un nouvel annexe au contrat qui a été conclu. Donc ça, c'est officiel, c'est un communiqué de presse. Le studio Incuvo a signé une annexe au contrat conclu avec Creepy Jar en 2020 concernant la marque Green Hell. L'objet du contrat est l'extension de la coopération avec la prochaine édition de Green Hell VR, cette fois destinée à la plateforme Sony PlayStation VR. Alors c'est très très drôle qu'ils disent PlayStation VR parce que le jeu n'est pas attendu avant la fin 2023 en version VR. Donc sortir en fin 2023, quand on voit, on en parlera tout à l'heure, les chiffres de Moss, quand on voit ce que, on se dit que fin 2023, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui le prendront sur PSVR. Donc on peut le dire clairement, ils ont voulu dire PSVR 2, mais ils avaient une touche qui marchait pas sur leur clavier, ils n'ont pas pu taper le 2. Voilà. Et puis pour avoir essayé la démo VR sur PC, je vois pas vraiment comment est-ce que Green Hell VR peut tourner sur un PSVR et sur une PS4 fat. Voilà. Franchement, ah bah, il tourne sur Quest. Hein. Ouais. Ouais, mais dans quel état? Dans quel état? Ah bah dans l'état Quest, mais il tourne. Okay. Avec beaucoup moins de textures, moins d'affichage, voilà. Enfin, moins de feuilles, moins de forêts. Il ressemble plus à Minecraft, mais par d'accord. Ça. Non, mais sans aller jusque là, mais Song in the Smoke, on en avait parlé déjà. La version Quest et la version PSVR étaient assez différentes quand même l'une de l'autre. Quoi. Tu voyais vraiment au niveau des reflets, au niveau des textures, au niveau de la profondeur de champ. Non, c'est il y a quand même une diff entre les deux quand c'est bien fait. Alors donc, le truc, possible. De toute façon, s'il le sort sur Quest, il peut sortir sur PS4 Fat. Hein. Ah, le truc un super. Robinson est sorti sur PSVR, donc celui-là, il pourrait peut-être. Je sais pas. Ah, mais il était ultra flou, Robinson quand même. Je l'ai pas essayé sur Pro ni PS5, donc enfin PS5, je pourrais pas l'essayer. Mais non. Sur Pro, je sais pas quel s'il dommage. Est plus flou. Ouf, tu sais, je l'ai essayé sur PC, PS4 Fat. Ah, ben, voilà. Voilà, tout le monde sait la vérité. Voilà. Mais bon, oui, je pense qu'il pourrait tourner, quoi. Green Hell. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les ventes de la version Quest 2 ont couvert la totalité du coût de production de la version VR de Green Hell. Donc sur ça, c'est Quest 2, donc ils sont contents. Merci. Et puis ce qui est surtout important, c'est que jusqu'à présent il n'y a que la version Quest 2 qui existait en version VR. Là ils sont en train de bosser sur la version de Green Hell pour PC, et c'est à partir de cette version PC qu'ils vont travailler sur la version PSVR. Ils ont encore oublié le 2, tiens, après PSVR. Voilà. Le premier du... Oui, donc c'est il est prévu pour fin 2023, donc ça sera clairement sur PSVR 2. Et voilà pour ce deuxième jeu. C'était donc un complément de ce qu'on avait dit la semaine dernière. Eh ben, on s'était, voilà. On s'était pas trop tombé, parce que là maintenant c'est à peu près officiel, quoi. Ici. Après, ils peuvent aussi proposer les deux versions, la version PSVR 2 et la version Quest sur bien PSVR. Ouais. C'est possible si vous aussi. Voulez avoir des images et mon premier avis sur Green Hell VR, je vous invite à aller voir l'émission numéro 78-77, je crois, un truc comme ça, où j'en parle et où je montre, enfin j'avais fait des captures et le jeu est beau à chialer, quoi. Magnifique. Il est absolument magnifique. Enfin, la démo faisait ramer ma 3090, mais il était beau. Hein. Ah, je vous ai pas dit le nom du PDG du studio. Non, parce que t'avais peur de le dire, parce que t'avais peur d'écorcher son nom. Alors c'est Andrzej Wachowiak. Voilà, c'est fait. D'accord. Eh ben, je vais pas le noter ça sur la description du podcast. Hein, ça, je vous promets. Tu fais un copier-coller. Je fais un copier-coller, oui. Très bien. Il y en a qui le font, ça marche. Oui. Des copier-coller, oui, ils sont. Bref. Alors, merci mon petit Lolo pour cette première partie de news. On va passer à El Rocco. C'est à toi. C'est à moi. C'est à toi. Ouais, il faut que je revienne sur les petites sorties en boîte du mois. Notre roi de la boîte. Voilà. Ah ouais, qui le dis-tu, putain. Et là, je pleure, j'ai plus de thunes. C'est dur la fin du mois. Sam et Max est sorti et est encore disponible sur le site de Limited Run, toujours à des prix imbattables dans deux versions. Une version standard à 35$ à peu près, ce qui fait qu'une fois qu'on a tout payé, ça fait 55€. 55€, Sam et Max ? Donc ça fait combien de l'heure ? Voilà. Il faut aller au-delà de ça à la rigueur. Tu sais, les jeux courts, c'est pas forcément des jeux mauvais. Même on va y revenir là, avec Moss. Mais là, c'est quoi je cherche. 33€ de l'heure, quoi, à peu près. Tu vois. Ah, mais là, 30€ de l'heure, pardon. Ah non, mais là, c'est une petite soirée à la Fistinière, quoi. Et attends, c'est pas fini parce qu'il y a une version collector. À ce prix-là, franchement, Vador Immortal, il est pas cher. Attends, la version collector, attention, celle-là est à 80$. Oh là là. Donc, de mémoire, j'ai déjà acheté chez eux un truc à 80$. On en est pas loin de 100-110€ une fois qu'on a tout réglé, quoi. Et avec les douanes ? Étonnamment, il n'y a pas de douane. Coup de cutter inclus ou pas ? Qu'est ? Coup de cutter inclus ou pas ? Coup de cutter inclus. Mais il n'y a pas de douane. Il n'y a pas de douane. Ah, bah c'est bon là, il n'y a pas de coup de cutter. Pas de coup de cutter. Ils sont sages. Donc, et heureusement, parce que là, franchement, t'as les boules. Bah, déjà, t'as les boules quand tu payes au vu du contenu. Parce que là, la version collector. Alors, ils précisent quand même que la boîte elle-même est collector. Ça me fait toujours rire. C'est comme si on te disait maintenant que c'est le petit boîtier en plastique. Voilà, et t'as la notice. T'as une notice. Ah ouais, t'as une notice. Collector, ça aussi. Et encore, la notice, c'est du foutage de gueule aussi, un petit peu chez Limited Run, parce que c'est pas vraiment une notice, en fait. C'est un flyer, quoi. C'est un flyer, voilà, clairement. Et t'as des pins, posters, des petits présentoirs plexiglas de Sam & Max de cette taille, bon. Un badge, Sam & Max, la bande originale magnifique, et puis des cartes postales, alors, franchement, c'est top. Ah, j'imagine bien dans la bagnole en train d'écouter la BO Sam & Max à fond, avec la fenêtre ouverte. C'est ça. Ah non, il y a des BO. Pourtant, il y a des BO qui sont extraordinaires, qui ne sont malheureusement pas vendus en boîte. On peut parler de Fract, hein, ou même After the Fall, qui est une BO assez sympathique. Puzzle Bobble. Oui, mais alors, tu vois, tu parles d'écouter dans la voiture, mais si c'est sur CD en physique. Ça marchera pas. Les lecteurs CD dans les voitures récentes, ça n'existe plus. Ah, mais c'est vrai. Moi, j'ai une vieille bagnole, donc. Maintenant, c'est le téléphone ou rien. Mais tu emmènes un manche disque. Ou la clé USB aussi. C'est ça. Numérise. La clé USB. Tu prends ta platine vinyle et puis voilà, tu la mets voilà. Sur le siège passager. Tu la branches sur l'allume-cigare. Tout le monde fait ça. Bah, bien sûr. Dans le coffre. Voilà. Non, mais par contre, faut avoir de bons amortisseurs. Ça rejoint un peu ce que vous disiez il y a 15 jours là, au dernier pod. Pigeonnerie, quoi. Enfin, argent, édition collector pour finalement. Donner l'argent. Un jeu plutôt moyen, est-ce que ça mérite vraiment une collector, franchement Bah surtout que Limited Run, ils sont un peu, je dirais, limités. Ils sont spécialisés là-dedans, quoi. C'est que la plupart des jeux qui sortent en boîte, c'est pas forcément des jeux que t'attends. Enfin, voilà. Ouais, bah là, quand même. Enfin, piètre qualité pour le jeu et. Après, il a son nom. Il a son nom. C'est quand même un grand nom. Hein. Donc... Il cherche le pigeon, tu veux dire. Il cherche la baleine. Je pense quand même que c'est dû au fait qu'ils aient ressorti tous les épisodes PC de Sam & Max, également ressortis sur Switch, dans des versions standard et dans des versions collector. Et ils voulaient boucler la boucle avec. Ils pouvaient pas ne pas le faire, tu vois. Ouais, mais finalement, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est la génération pognon, quoi. Parce que là, c'est proposer une édition collector, pas parce que le jeu est bien, mais c'est parce qu'il y a tout un arsenal marketing qui est développé autour de la licence Sam & Max pour sa ressortie sur plusieurs plateformes, quoi. Alors, c'est pas que, mais eux, c'est énormément ça, ouais. Mais il y a quand même des bons titres. Il y a quand même des bons titres sur. Non, mais là, je parle de Sam & Max, hein, de cette version de Sam & Max en particulier. Bah là, on est en plein dedans, oui. On est Surtout pour le prix, quoi. Enfin, 80$. Bah après, hein, si des gens sont suffisamment fans pour l'acheter, franchement, enfin, je vois pas. J'ai eu peur. Non, pas du tout. Non, justement, il y a pas de médisance ni quoi que ce soit. Je veux dire, Sam & Max, c'est quand même un gros pilier du jeu d'aventure depuis les années 90. Le point and click. Je veux dire, les gens de toute façon savent ce qu'ils achètent, ils savent quel produit ils achètent, quel collecteur ils achètent. C'est pas non plus de la spéculation dégueulasse comme on en a parlé il y a 15 jours. Là, c'est vraiment juste, ben voilà, vous avez le produit à 35€ version physique normale, 80 version 55. Voilà. Mais bon. Après, il y en a qui disent que Moss 2 est trop cher, mais bon, c'est à 39€, mais bon. C'est pas grave. Il est 4€ plus cher que le 1 quand il était sorti. Ouais. Voilà. Bon, ensuite t'avais. Ça s'explique par le succès. Oh, oui. Ensuite t'avais Bubble Bobble. Puzzle Bubble 3D Vacation Odyssey. Qui, ça y est, j'ai enfin réussi à me dépatouiller parce qu'il y avait un bug sur le site, mais il est toujours disponible. Alors il y a toujours 90% des stocks qui sont disponibles à la fois pour la version standard et la version collector. Version collector qui, je le rappelle, aura dans un paquet à part une serviette. Oui, c'est vrai, on avait parlé de ça. Qui est plutôt, bah, pour le coup, tu vois. Une serviette de plage ? Ouais, t'as une bonne serviette de plage de. Puzzle Bubble. 80 par 180. Tu dois être tout beau à la piscine avec ça. Mais ça, et pour le coup, tu vois, tu payes. Regarde, à titre de comparaison, je crois que j'ai payé 74€ tout compris. C'est en Europe, donc il n'y aura pas de douane. Et tu as, pareil, la bande originale, tu as des posters, des pins, des stickers que tu colles sur le casque. Un vrai fascicule, un vrai manuel, et le jeu en physique, et puis une serviette, quoi. Enfin, pour le coup, tu as un vrai objet qui est pour le collecteur. Un collecteur à 80 balles, est-ce que tu l'utilises, la serviette, pour torcher le fion avec? Ça, je suis pas certain. Bah, tu vois, il y a des objets collecteurs que j'ai d'anciens jeux que j'utilise pas, en fait, parce que j'ai pas envie de les abîmer ou quoi que ce soit. Bah, j'avoue que je sais pas. Quand je l'aurai, je saurais pas trop où la foutre, personnellement. J'ai une vitrine, mais. Bah, dans le placard, quoi. Puzzle Bubble, c'est quand même une licence. Je sais pas, ça peut-être prendre de la valeur, ces trucs-là. On y a tous joué quand on était petits, quoi. Enfin, les quarantenaires, ça spécule. Ça spécule. Laurent est en train de faire des plans. Il faut financer le GR4 Player, donc au bout d'un moment, voilà. Moi, je dis, tu devrais la garder quelques années. Pas de NFT, alors, les gars. On la revend 1 500€ dans 2 ans. on la signe, tu sais. On fait des. Enfin, y a quand même 91% du stock d'encore disponible. Donc, mais voilà. Vous emballez pas non plus. Vous énervez pas. C'est pas encore rare, hein, si tu veux. Ah non, pour le coup, à la rigueur, un job simulator, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais là, non, pour le coup, je crois que même en spéculant. Moi, je veux bien la bande originale pour mettre dans ma voiture, fenêtre ouverte. Le Puzzle Bubble Puzzle Bubble, c'est quelque chose. Quand t'arrives avec la musique à fond, là, tu impressionnes tout le monde. Ah oui, je pense, ouais. Les gens, ils baissent les yeux quand ils te voient. Hein. C'est qui ? Surtout ceux qui te connaissent. Hein. C'est quand qui... tu passes, y a plus un bruit. Donc, bah, voilà, quoi. C'est au niveau des sorties. Ok. C'est tout. Et ben, merci, monsieur Boite. Merci pour ce petit point, en tout cas. Et puis, je remercie quand même un petit... quelqu'un qui participe sur le Discord qui a lancé l'alerte, c'est Steve01 qui est aussi un gros accro de la boîte apparemment et du PSVR également et qui a balancé l'info sur le Discord. Merci à lui. Et oui, à chaque fois que tu parles de boîte justement sur le podcast, il réagit, il est tout content. Et, vous êtes copains maintenant, c'est bien. Ah ben, j'ai vu, on peut qu'être copains, tu vois, c'est copain tout de suite. Je pense que quand j'ai envoyé ma photo, il a bien zoomé sur ce qu'il y avait. il posait des petites questions. Le truc écrit en coréen là, c'est pas le. Peut-être. T'as caché la jaquette ou quoi. Mais je crois qu'il est encore plus furieux que toi au niveau boîte lui. Hein. Il a montré que sa collection de PlayStation VR, mais déjà elle est déjà bien impressionnante. Après c'est celui qui a un collector qui se vend à 400€. C'est le collector de Thumper. Oui. D'accord. Putain, 400 boules. Ouais. À 400 boules et il y avait encore moins de. Ouais, mais 400 boules sur eBay, spéculation. Oui, bien sûr. Hein. Donc, ah. Voilà, il était à. Celui-là qu'il faut acheter, Laurent. À 70, il était à 70, je pense, ou 80 sur Limited Run au moment de sa sortie. Bah ça va, mais, 400 balles. Et il me semble que c'est le seul jeu PlayStation VR où il y a un Steelbook, tu vois. Donc, bon. Et pour le coup, s'il y en a un qui est collector, aussi collector que Job Simulator. C'est celui-là, ok. Et ben voilà, c'est donc respect. Respect à Steve. Voilà. et ben c'est tout, du coup, mon petit Leroco. Ben on va passer à Majo. Mon bon Majo, que ta voix nous avait manqué il y a deux semaines. Ah bon? Oui. Non, c'est pas vrai. Mais je fais celui du mec. Ah merde. Je suis le mec sympa, c'est pour ça. Le mec poli. Ouais, non, mais c'est parce que t'avais briefé au départ. T'avais dit que j'étais chiant ce soir. T'étais de mauvaise humeur, donc c'est vrai. Je me suis fait prendre. Je suis honnête. J'ai baissé ma garde. Tu voulais nous parler de slip en peau de bête, mais à l'âge médiéval, c'est ça? Alors, mieux que des slips en peau de bête, puisque là, on passe carrément à la fourrure de loup. On va avancer d'une époque. Si Sanguine de Smoke, justement, était à l'âge de pierre, là, on passe plutôt au niveau du Moyen-Âge. On va parler de Medieval Dynasty. Donc, Medieval Dynasty, c'est un jeu qui est initialement sorti sur PC en version plate au mois de septembre 2021. C'est développé par Rundercube Games et Spectral Games, et pendant une interview donc, sur le site de Izbect en Pologne, on a appris quelques informations, donc, notamment qu'ils travaillent sur une version VR de leur jeu. Ils précisent donc, alors ça c'est pareil, ça me fait, alors je suppose que c'est normal étant donné qu'on n'a pas énormément de nouvelles du PSVR 2, mais donc ils parlent qu'ils développent la version Quest 2 en premier lieu et ensuite qu'ils enchaîneront sur la version PCVR. Il y a beaucoup de développeurs maintenant qui font ça, j'ai l'impression qu'ils développent déjà sur Quest 2 histoire d'avoir une stabilité financière vu que le casque cartonne, et puis après ils s'occupent des supérieures versions, quoi. Ils s'occupent du reste, ils rentabilisent d'abord. C'est le problème. Alors oui, ou alors ils développent d'abord la version la plus faible techniquement pour être sûr qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour faire l'inverse, juste en upgradant. C'est aussi ce qu'on reproche depuis quelques temps, à niveler les jeux vers le bas, puisque la plateforme de base est la plus faible justement du développement du jeu. Mais bon, du coup, ce que je constate, c'est que donc pour continuer, et dans un troisième temps, donc la version PC sera déclinée donc sur PlayStation 5 et PSVR 2. Donc c'est là où je disais que ce cheminement en fait sur lequel on râle, puisque maintenant c'est version Quest, version PC et ensuite version PlayStation VR, ben là c'est un peu pareil. On parlait de Green Hell tout à l'heure, le schéma de développement est le même. On est sur une version Quest d'abord pour une version PC, ensuite une version PSVR. Donc la version PSVR reste encore traitée la dernière. Ce cheminement était critiqué donc, par nous pour les versions PSVR actuelles, et en fait finalement ça a l'air d'être un peu la même chose. Donc comme je dis, est-ce que c'est pas dû aussi au fait que le PSVR 2, on sait toujours pas quand est-ce que ça sort, on n'a pas vraiment de fenêtre de lancement non plus. C'est clairement ça. Ça a l'air de prendre du retard, mais bon, On note quand même que c'est d'abord le Quest et ensuite le PC dans tous les cas. Et donc comme Green Hell l'avançait tout à l'heure, comme Laurent l'expliquait pardon tout à l'heure, c'est un peu dommage du coup, mais bon. En tout cas, c'est annoncé. Donc, qu'est-ce que c'est Medieval Dynasty, pardon. Alors, c'est un jeu de survie. Donc, c'est un peu dans la veine de Song in the Smoke, mais c'est pas tout à fait pareil. Dans le sens où il y a un petit côté gestion également qui va venir se greffer au jeu. Donc à la sortie d'une guerre, en fait, le personnage principal se retrouve un peu perdu au milieu de nulle part et va devoir trouver un moyen de survivre, tout simplement. Donc que ce soit par le travail, par des rencontres, par la construction d'une maison, la gestion des bêtes, enfin tout un tas de la chasse, l'agriculture. Voilà, exactement, la culture aussi, l'agriculture, putain, pardon, aussi. Et en fait, ils vont pousser le vice, donc jusqu'à te faire créer un village entier, et même à devoir assurer ta descendance. C'est-à-dire qu'il va être important de faire des rencontres, féminines ou masculines. Je sais pas, par contre, s'il y a le choix entre les deux. Bon, enfin bref, on s'en moque. Et du coup, il va être important d'assurer ta descendance, parce que si jamais tu meurs, tu vas te retrouver bien embêté, du coup, pour pouvoir gérer, ta... C'est vrai que mourir, ça aide pas. Hein. Ta petite ville, non. C'est pas facile après. C'est pas cool, la mort, effectivement. Donc du coup, voilà, ils se sont dit qu'ils allaient faire ça, puis parce que le chiffre d'affaires de la VR en 2021 les a bien aguichés. Et puis donc ils parlent d'une fenêtre de lancement, donc ils prévoient de sortir le jeu sur MetaQuest au premier trimestre 2023, donc c'est quand même pas tout de suite. Et ensuite ils visent la version PC. Le jeu est également en cours de préparation avec le PSVR2. Dont nous nous occuperons de la finalisation après la première sur PCVR. Voilà, donc comme on disait, le cheminement reste le même. À savoir aussi que, donc si vous voulez aller. Vous pouvez trouver des vidéos de gameplay donc de Medieval Dynasty sur YouTube. Sauf que ce ne sont que des vidéos de la version plate et la version VR sera un jeu différent de la version plate. Voilà. Pour le moment, il y a juste la vidéo en CGI qui est sortie, qui en plus, ça reste l'image de synthèse, et c'est pas du tout ce à quoi le jeu va ressembler. Donc on peut pas vraiment s'y fier, quoi. Pour le moment, on n'a vraiment pas aucune image de la version VR. Non, par contre, on peut se fier au fait que le jeu a reçu quand même de très très bonnes critiques sur Steam, puisqu'il a 5 étoiles sur 5. Donc le jeu en lui-même est bien, je pense que si même si c'est pas exactement le même, alors j'espère qu'ils vont pas nous pondre un truc non plus une expérience ultime motion gaming ou un truc dans le genre, mais qui sauront tirer le meilleur parti de leur jeu plat et de la VR à côté, quoi, voilà. Mais bon, ils sont assez contents, je sais plus où est-ce que je l'ai lu ça, ils sont aussi assez contents du rendu qu'ils en ont fait pour l'instant, et bon, après c'est des phrases commerciales toutes faites, ouais, comme d'habitude, mais bon, ouais. Ils tirent le meilleur parti ouais. De chaque plateforme pour associer le meilleur rendu de la version finale par rapport à la version plate. Ouais, il y a encore personne qui a dit un jeu, mais c'est pas ouf, hein, ce qu'on va faire, c'est vraiment pas ouf, donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc plutôt bonne nouvelle, encore un jeu de survie en plus de Green Hell, donc c'est plutôt bien. Et surtout dans cette époque médiévale, et c'est avec toi qu'on en parlait ça l'autre jour sur le Discord, où un Kingdom Come Deliverance en VR. Je dis oui. Mais moi c'est pareil, j'achète de suite. Là ça sera pas le cas, hein, clairement. C'est pas le trip. Non, c'est pas la même chose. Mais l'ambiance, par contre, l'ambiance y sera, et enfin. En tout cas, de ce qu'on voit sur la version plate, l'ambiance y est, donc ça peut être vraiment pas mal. Ouais. Donc comparé à Song in the Smoke, c'est quand même un peu, ça a l'air d'être plus poussé en tout cas que Song in the Smoke dans la partie gameplay. D'ailleurs, je suis toujours un peu frustré qu'il n'y ait pas eu de version officielle en VR de Kingdom Come Deliverance, parce que franchement, l'immersion de ce jeu-là, le soin apporté aux détails, que ce soit détails historiques ou détails même graphiques. À l'ambiance, aux possibilités, au combat à l'épée aussi, qui était quand même très très pointu sur ce jeu-là. Ouais, très dur. En plat. Et qui ressemblait beaucoup à For Honor, mais avec plus d'axes, du coup, mais qui était un peu le même style que For Honor. Mais avec un côté narratif qui était vraiment, vraiment, vraiment bien. Enfin, moi, j'ai vraiment surkiffé ce jeu-là. Et pourquoi est-ce qu'il a jamais été sorti en VR? C'est vraiment très très dommage. Alors, de mémoire, il était quand même développé avec le cul hein, au lancement. Hein. Au début, c'était aussi chaotique qu'un Witcher 3 ou que n'importe quel Elder Scroll. Ça n'empêche pas qu'après, normalement, bah, une fois que ton... ça a patché. Mais bon. Le jeu était patché depuis, il est très stable maintenant. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, justement, ils auraient pu... Bah, ils auraient pu quand même transformer l'essai et puis proposer une version VR. Ça aurait pu être cool, je suis vraiment déçu. Ouais, surtout, même le gameplay des fights, finalement, se prête à la VR, hein, orienté sur 5 axes, ton arme avec ton contrôleur VR. Il y avait moyen déjà de faire quelque chose de sympa, quoi. Après, c'est peut-être la gestion des menus, parce que je me rappelle, ça a été beaucoup reproché à Skyrim aussi, cette gestion des menus par inventaire, plus que par motion gaming. Il y a peut-être ça aussi qui est plus compliqué à adapter. Bon, enfin bon. En tout cas, si ça se fait, moi je serai preneur et ça y est aussi visiblement. Oui, voilà. Carrément, carrément. J'avais testé vite fait avec Vorpix, mais c'était pas terrible quoi. C'était vraiment pas terrible. Ok, très bien. T'avais autre chose à rajouter sur Medieval Dynasty ? Non, il me tarde, comme le PSVR 2, comme ces jeux de survie là qui arrivent. Comme beaucoup de choses. Et qui vont nous casser les mirettes. Yes, on espère en tout cas. T'avais autre chose à rajouter, je crois, que sur la rétrocompatibilité, Majo. Oui, mais c'était en lien avec MOS 2. Alors, si Lolo veut parler c'était de... C'était avant ou après c'était après. C'était après, parfait. Les ventes On va parler des ventes de MOS 2, donc. Donc et puis après, tu parleras de rétrocompatibilité. Donc, les chiffres du mois d'avril sont sortis. Le top 10 des meilleures ventes PSVR aux États-Unis et en Europe. Alors, premier, USA, Beat Saber, pareil en Europe. Numéro 2, Job Simulator, il est toujours là, je ne sais pas pourquoi. Troisième, Batman, qui arrive troisième aux USA. Alors, j'ai peut-être une explication. Alors que MOS Book 2 arrive troisième en Europe. Et enfin, quatrième aux USA, MOS Book 2 et Batman qui arrive quatrième. Et on finit, alors un truc de fou, cinquième en Europe, VR Ping Pong Pro, qui est quand même une grosse bouse. Et puis, voilà, et Super Hot VR qui arrive cinquième aux États-Unis. Après, on a du Stride, on a du Vador Immortal, du Swordman qui est bien placé sur les deux continents. Astrobot Rescue Mission qui est dixième aux États-Unis. Et Wanderer qui est dixième en Europe. Ça, c'est bien. Avec la nouvelle mise à jour de Swordsman qui doit sortir à la fin du mois. Voilà. Donc, alors, ce genre de top 10, classement. C'est très bien, sauf qu'on ne sait pas les chiffres de vente. Donc, si dans le mois d'avril, il s'est vendu 100 Beat Saber, il sera premier, et le deuxième qui en aura vendu 90, il sera second. Donc, c'est bien de dire que MOS est dans le classement des 10 meilleurs jeux, mais justement, le marché PSVR, on a l'impression qu'il ralentit en ce moment, même plus tôt. Ah ouais. Il broute. Hein. Et donc, il broute bien. Et donc, bon, certes, MOS 2 a sa place dans ce classement, ce qui est tout à fait normal, mais ça n'est pas un indicateur de la bonne santé du marché PSVR. Pour ça, il y a eu des articles qui sont sortis cette semaine. Enfin, alors non, il y a un article qui est sorti il y a un peu plus longtemps, c'était le 16 avril, c'était le site Video Games Chronicle qui avait sorti un article sur MOS 2, justement en disant que les ventes n'étaient pas si bonnes que ça, et on a laissé passer, on a dit bon, on va voir, hein, peut-être que ça va partir, cette semaine-là, il y a eu plein de gens qui ont repris l'article de Video Games Chronicle, donc on a décidé d'en faire un aussi sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils annoncent? Déjà, ils annoncent qu'il y a eu des publications sur le site PSN Profile. Alors, ce site-là, il n'y a pas beaucoup d'adhérents, en fait. Comme on disait, il y a 6 millions d'adhérents. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas représentatif des véritables ventes du jeu. Mais il y a par contre quand même un petit truc qui est bizarre. C'est que MOS Book 2 sur la fiche de MOS Book 2, on voit qu'il n'a que 101 propriétaires du jeu à la mi-avril. Et donc, si on le compare à MOS, donc le premier volet, il y avait 20 000 utilisateurs. Donc, alors je veux bien que MOS soit sorti. Alors, il y a 20 000 utilisateurs à aujourd'hui. À aujourd'hui. De MOS. Donc, voilà, il faut préciser que MOS, il n'est pas sorti aujourd'hui. Donc, il y avait. Alors, le truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait 101 propriétaires à la mi-avril. Et si on y retourne maintenant, il n'y en a plus que 71 ou 75. Donc, il y en a qui sont 75. Même barrés. donc, je ne sais pas comment ça marche, ça, par contre. Voilà, le truc un peu bizarre. Donc, Alors, certes, il faut se méfier de ces sites PSN Profil, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Par contre, il y a quand même une différence entre 20 000 sur MOS 1 et à peine 100 sur MOS 2. C'est déjà un indicateur que MOS 2 aurait peut-être plus de difficultés à partir que MOS 1. Donc, est-ce qu'on peut quand même, pour résumer grossièrement, se dire que MOS 2 s'est croûté lamentablement ? Ben, on n'aura pas les chiffres de vente. On n'aura pas les chiffres de vente. Et d'ailleurs, si on n'a pas les chiffres de vente, c'est que c'est pas bon. Parce qu'en général, quand ils sont très bons, ils le disent. Mais alors très très bon, parce que hormis Beat Saber qui a dépassé le million de ventes, alors je sais plus si c'est le million de ventes ou le million d'euros de chiffre d'affaires, je sais plus. Je crois qu'on a jamais eu un seul chiffre de vente. On avait Resident Evil 7 qui était publié chaque semaine. Oui, mais après, complètement un joueur sur 6 c'était un joueur VR, PSVR d'ailleurs. On n'a jamais vraiment eu de chiffre sur les jeux PSVR. À l'image d'ailleurs du nombre de PSVR vendus, hein. Donc ça reste aussi dans la lignée de, enfin cette non communication sur les chiffres de vente reste dans la lignée de ce qu'on a connu aujourd'hui. Oui. Mais alors là où on continue dans cette même logique, c'est que si on va se faire une petite balade sur Metacritic et qu'on reprend le nombre de tests publiés par spécialisée, on s'aperçoit qu'il y avait eu 64 tests PSVR sur MOS 1 et 214 avis utilisateurs. Et pour MOS 2, donc sur la même période, il y a 36 tests PSVR et 19 avis utilisateurs. Et si après... Il a été un peu boudé, quoi. Voilà. Alors les tests, il y en a deux fois moins, des tests de la presse spécialisée. Donc c'est sûr qu'au niveau de la présence médiatique, il a eu moins de présence. C'est tous ceux qui se sont barrés sur Quest. Hein. Voilà. Et puis, surtout, moi, ce que je regarde, c'est les 214 avis utilisateurs, où là, c'est n'importe qui va sur le site Metacritic et qui laisse un avis sur le jeu, qui était globalement bon, hein, parce que les deux jeux ont à peu près la même note sur les deux, autant sur Metacritic que sur VR Game Critic. Ils tournent à 8,6 sur 10. Mais 19 avis sur le 2, on était à 214 sur le 1, beaucoup moins de tests. Et si maintenant on regarde sur VR Game Critic, qui est un peu le clone de Metacritic mais en version VR, on s'aperçoit que MOS pareil avait une note de 8,6 sur 10, c'était la même chose. Par contre, il avait bénéficié de 136 tests PSVR presse en février 2018, là où MOS 2 a eu que 56 tests PSVR. Donc on sent bien qu'il y a un super ralentissement sur le PSVR. De toute façon, c'est même pas la peine de le cacher, tout le monde s'en est rendu compte. Oh, ça fait longtemps qu'on le sait. Voilà, et puis surtout là où on s'en rend compte, c'est que nous, en publiant cet article, on s'aperçoit que on lit les commentaires, autant sur notre Facebook, sur Twitter, sur notre site aussi, et on voit les réponses. Hein. Alors il y a une partie des joueurs qui disent moi je l'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas la version physique et j'avais déjà MOS en version physique, je veux MOS 2 en version physique. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Une petite parenthèse, Laurent, tu avais justement décrit tous les profils des joueurs dans ton article. Oui. Ce qui m'a fait marrer, c'est que, on va dire, 99% des commentaires qu'on a eu sur cet article-là, donc par les réseaux sociaux, par le site, par ailleurs, c'est exactement ce que tu as mis dans l'article. C'est-à-dire que les gens, je pense même pas mal, n'ont même pas lu l'article, et redisent exactement, fait partie exactement des catégories de joueurs que tu détailles dans l'article. On va les citer, les catégories. En même temps, il a tout mis. Mais il a tout mis. Il y a 2000 catégories. Il y a un article en particulier qui m'avait fait bondir ou marrer en même temps. C'était sur Reddit. Sur Reddit, il y a une grosse communauté quand même. Et les types sur PSVR 2, ils s'étaient lâchés, quoi. Et quand tu voyais les commentaires, tu en cherches un qui dit « Moi, je l'ai acheté parce que j'adore MOS ». Il n'y en avait pas, en fait. Il y avait ceux qui aiment toujours autant le PSVR et qui continuent à jouer en VR. Il y en a un ou deux. Il y a ceux qui ont le PSVR qui est tombé en panne, donc écran noir, fil coupé. Alors ça, sur Reddit, il y en a plein. Pixel mort, casque qui s'effiloche et ils en foutent de partout. Ils se font engueuler à chaque fois qu'ils le sortent. Et fil coupé, il faudra qu'on m'explique, hein, quand même. Ah, ben, tu prends un des chien, ciseaux. Tu prends des ciseaux. Un enfant. Ouais, voilà, mais... ou un enfant chien. T'as pas d'enfant. Un enfant chien. Excusez. L'enfant chien, ouais. Il y a ceux qui disent MOS 2, j'aimais bien, mais j'ai laissé mon PSVR dans un tiroir. Il y a ceux qui disent ceux qui attendent le PSVR 2. donc qui disent moi bah je veux bien jouer à MOS 2 parce que j'adore MOS 2, mais j'ai joué sur le PSVR 2 parce que ils sont assez majoritaires quand même. Moi je dirais que là sur Reddit la majorité c'était on attend le PSVR 2, sur Facebook la majorité c'était je veux une version physique, et il y avait quand même pas mal de gens qui disaient j'attends le PSVR 2. C'est quand même bizarre comme mentalité, parce que tu fais une petite analogie comme ça, genre sur un jeu en plat, tu dis ok, sur PlayStation 3 je ne vais pas jouer à Last of Us sur PlayStation 3 parce que je sais qu'il y aura le remaster sur PlayStation 4. Ah bah, alors à l'époque on le savait pas. À l'époque on savait pas que la PS4 était prévue et qu'il allait y avoir un remaster. Quand oui, et puis à l'époque on savait pas aussi que tous les jeux seraient remasterisés 2 ans après là on sur chaque nouvelle plateforme. Voilà, et là on a le visuel du PSVR 2, tu vois. Là on a l'hameçon, justement, on a la carotte au bout du nez, on sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais on sait qu'il va arriver et que très certainement ce genre de jeu-là va ressortir sur une plateforme. Non, mais de toute façon, c'est la politique aussi. Je regarde, même Wanderer, ils s'en sont pas cachés. Il y avait je sais plus quel jeu. Windlands 2. Windlands 2, voilà, aussi, pareil, ils ont dit PSVR, qu'ils le ressortiraient sur PSVR 2, donc je veux dire, c'est des secrets de Polichinelle. Après, de toute façon, on en parlait, on l'avait dit déjà, qu'ils prenaient un énorme risque, Polyarc, à en faire une exclue PSVR au lancement, et que de toute façon, on l'a vu, la version Quest arrive très vite derrière. On salue ça après leur... Ça va pas traîner. Hein. On salue par contre leur fidélité oui, à Sony. Oui, par contre, c'est vrai que c'est beau. C'est classe, mais pour eux, c'était un move quand même très très, très, très risqué, quoi. Et puis voilà, bon, on voit la preuve que maintenant... Et c'est vrai Mais comme on dit, c'est encore plus rageant parce que c'est un super jeu finalement. Ouais. Alors même si, comme tous les jeux, il a des défauts, mais je veux dire, c'est quand même une super réale. L'ambiance, elle est géniale. Le gameplay, il est top. Non, il est aussi bien que le premier. Ça reste. Enfin, visuellement, moi, je le trouve un peu mieux malgré la physique en moins sur certains plans, mais c'est surtout quand même beaucoup plus joli que le premier. C'est surtout le signal qu'il envoie à l'industrie en disant un jeu comme MOS 2. Il galère, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant sur le PSVR vaut mieux éviter, faut mieux se préparer au PSVR 2, quoi. Ou au Quest 2 parce que il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Quest 2 parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi j'espère en tout cas qu'il va prendre une respiration au niveau médiatique et même au niveau pour le studio. J'espère qu'il va cartonner sur Quest. Pour le studio sur Quest 2, j'espère que franchement ça va vraiment le faire respirer parce que le jeu mérite, quoi. Donc voilà. Après, il y a aussi le côté qui me gavait aussi pas mal, c'est que le PSVR aujourd'hui avec le boîtier. Alors moi, j'ai le premier PSVR, donc la version, la toute première version. C'est vrai qu'à chaque fois que tu veux jouer sur ton PSVR, il faut tout débrancher parce que la télé HDR, ça marche pas. C'est un merdier sans nom. Donc tout ça aussi, ça gave les gens, quoi. Ouais, ça gave les gens. On le trouve où? On la trouve où, la V2? Ah, partout. Trouver encore dans le commerce. Non. Le mien, je l'ai acheté d'occasion. D'occasion. Bah, le mien, je l'ai pris d'occasion, le deuxième. Il y en a un sur Reddit qui disait moi, je peux pas y jouer parce que j'ai pété un PS Move et je ne trouve plus de PS Move. Ah, ça c'est plus compliqué. Donc il a plus qu'un PS Move, donc le PSVR il a fini dans un tiroir. T'en trouves mais à 400 balles. Il y a ceux qui sont passés sur PC sur Quest 2, il y a ceux qui attendent une version boîte physique. Il y a ceux qui sont bien rendus compte que le Game Boost du PSVR sur PS5 c'était de l'arnaque. Ça on le dit depuis le début. Il y a ceux qui ont une PS5 reçu. Merci, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça y est. Game Boost PSVR. Le Game Boost PSVR, c'est une arnaque. C'est une galipette marketing. La pigeonnerie. No Man's Sky suffit à lui seul l'achat d'une PS5. Pardon. Bon, toi, tu dis ça, t'y as pas joué, quoi. Mais si, j'y ai joué, je connais, j'y ai joué avant toi. Mais t'étais même pas né, alors qu'est-ce que tu me racontes? Il avait déjà de la barbe. C'est dangereux. Il avait déjà de la barbe quand il jouait. Oui, d'ailleurs, Elroco, parle-nous-en, puisque tu l'as commencé très récemment. Non, je préfère pas, c'est le genre de truc. No Man's Sky, c'est un engrenage monstrueux qui te souffle 3 ans de ta vie sans que tu t'en rendes compte, quoi. Ça va te bouffe. Ouais, mais Majo, tu remarques que tu ramasses ces jeux, des cailloux. Après, je vais vendre du rêve, hein. Le truc, c'est ramasser des cailloux, tirer sur des plantes phalliques pour ensuite réparer ton vaisseau. Ouais, mais ça, c'est que le début. Après, enfin bref, on va pas en reparler à chaque fois, putain. Majo, tous ces jeux préférés. C'est vrai. Non, mais bon. C'est pour ça que je prends du recul, je m'en rends compte. Tu t'auto-soules, en fait. Je suis peut-être relou, en fait. Ah putain. Majo, tous ses jeux préférés, c'est des jeux qui durent 300 heures, tu sais. Il est très très bien et c'est vrai que sur PS5 il est ouf. Et le Game Boost du coup est justifié rien que pour ce jeu-là, au moins voilà. C'est un exemple. Ça prouve que le Game Boost existe au moins sur un jeu. Oui, enfin ça voilà, mais ça prouve surtout que si les devs veulent faire quelque chose, il y a moyen de faire quelque chose, quoi, tu vois. Parce que Hello Games, ils sont pas meilleurs que les autres, ils ont juste tu l'avoues. Et tu vois non, enfin quand je dis ils sont pas meilleurs, ils partent avec un gros handicap aussi, si tu veux, ils ont fait de la merde au départ, ils se sont rattrapés, mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire, c'était prendre du temps pour finir leur jeu finalement. Donc en fait, tu t'aperçois qu'en prenant un peu de temps et en ayant de la volonté, tu peux faire quelque chose d'intéressant. Voilà, donc c'est juste, si aujourd'hui on n'a pas des jeux game boostés ou tout ce que vous voulez, c'est parce que les devs ils veulent pas se faire chier, hein, cherchez pas. Parce que il y a plus de ventes, parce qu'il y a plus de ventes, beaucoup de ventes, enfin difficile sur PS5. Des gens qui ont PSVR et lui à PS5. Va annoncer à des joueurs que leur jeu sera plus beau sur PS5 que sur PS4 dès le lancement du jeu. Je peux te dire que je suis sûr que ça va relancer un petit peu là. Il peut y avoir un truc différent. Peut-être pas énormément. C'est pas ce qui va relancer. J'exagère en disant No que Man's Sky, live, il est plus joli sur PS5 que sur PS4. Je vais vite acheter une PS5 demain matin à 8h. Ah merde, il y en a pas. Non, mais pas que No Man's Sky. 1500 balles avec la télé qui va avec. Et puis. Ce que je veux te dire, c'est qu'avec un peu de recul, quand on en parlait à l'époque, si tu veux, pour nous, ça nous paraissait logique que les jeux sortiraient à la fois sur PS4 et PS5 en VR, compatible PSVR 1, mais qui seraient légèrement upgradés et boostés dans leur version PS5. Ce qui n'a jamais été le cas, hormis pour 2-3 jeux, comme tu dis, qui ont été annoncés dès le départ, et ensuite on n'a plus jamais rien eu de boosté sur PS5 avec le PSVR. Hitman 3, il a été un peu boosté aussi. Non, rien du tout. Ah, c'est si, au niveau du pop, au niveau du popping des personnages, ça pop largement. Non, c'est peut-être le SSD qui fait que ça charge plus vite, mais game boost machin. Ok, non, on va dire, ok, ça fluidifie. Ouais, c'est encore un petit peu différent. Mais. Blood and Truth qui était optimisé. Ouais, mais il y avait que dalle, franchement, c'était juste le rendu des textures qui était meilleur, mais il était déjà bien sur PS4. Ouais, je confirme. Alors, c'est un cercle vicieux, bref. Il y a un autre truc qui était intéressant d'ailleurs, parce que c'est pas le premier que je vois passer sur Reddit, c'est des mecs qui ont commandé leur adaptateur, celui où tu nous avais fait une belle vidéo unboxing, Majo. Il n'y avait pas que moi, il y avait Steph aussi. Ouais. Steph. Ah oui, exact. Et toi qui l'avais finalisé. Et donc, il y a quand même des gars qui ont rempli leur formulaire pour avoir l'adaptateur pour leur PS5 et qui l'attendent depuis un an. Et c'est pas le premier que je vois passer sur Reddit et qui dit je l'ai toujours pas reçu, je l'ai commandé l'année passée. Peut-être celui que j'ai vu sur eBay à 30 balles. Donc voilà. Peut-être celui-là. Mais alors, ça c'est pareil pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir gratos. Si jamais t'en veux un, il existe en version payante. Alors c'est pas l'officiel, mais il y en a un. Tu peux le trouver sur internet. Mais il est pas gratos. Non, je crois qu'il coûte 15 balles ou un truc comme ça. Bah, c'est pas trop la mort non plus, hein, ça va, casse-moi. Bah, non, bien sûr. Attends. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est un problème qui est chiant. Quand tu vois comment les gens gueulent quand un jeu passe de 70 à 80, c'est 10 balles. C'est 10 balles. Oui, non, mais c'est normal. Non, mais pour quelque chose qu'on te promet gratuitement, qu'on t'envoie et que tu reçois pas, je comprends. Hein, c'est normal, logique. Moi, je l'ai toujours pas commandé le mien d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que je le commanderai jamais. Honte à toi. Hein. Non, mais je le commanderai jamais parce que moi j'ai ma PS5 Pro, ma PS4 Pro qui est encore branchée. Pardon, monsieur. PS5 Pro, oui, évidemment. Tu l'as dévoilé. C'est bon. Oh là là. Alors lui, il a une 3090 RTX et il a une PS5 Pro. Alors s'il vous plaît, quoi. J'avais pas le droit d'en parler, merde. On va se faire scalper par Sony là, putain. Non, tu vois, j'ai la PS4 Pro qui est toujours branchée pour le PSVR. Et puis, bah, si de toute façon, vous savez maintenant depuis quelques années, hein, s'il y a la version qui sort sur PC et sur PS4, je prends la version PC, quoi. Oui, mais c'est d'ailleurs à cause de toi qu'on joue à After the Fall hors partie PlayStation, puisque après on s'entend plus, on est trop loin, ça marche plus. Exactement, mais moi je tiens vraiment à avoir des lions, tu vois, en décor et pas des crottes de nez que t'aurais écrasé contre un mur, tu vois. Donc, excuse-moi. Hein, je peux comprendre. Oh, mais et puis des pots de fleurs modélisées à 100%, tu vois. Pas t'es, t'es presque autant insultant que quand je parle du Quest. T'as vu? Ouais, mais c'est ça, on, quand on change de gamme tout de suite on regarde les autres de haut. Cet air dédaigneux là. Donc voilà. Non, mais oui, mais... C'est normal, ouais. C'est normal. Donc c'est pour moi le câble je l'ai pas pris. Je préfère encore jouer sur ma PS4 Pro qui fait encore largement le taf. Quand je vois la magie qu'elle fait avec un Hitman 3, j'ai pas besoin d'avoir juste 3 jeux auxquels je jouerai forcément pas sur PS5, quoi. Voilà. C'est tout. Vas-y. Bah aujourd'hui le seul avantage c'est le confort, hein, finalement. C'est la vitesse du SSD, le bruit et puis et le framerate. Le bruit. C'est vrai. Laurent, tu peux continuer si tu veux. Sur MOS 2, je crois que j'ai tout dit. Par contre, il y avait un petit détail quand même que je voulais préciser concernant ce fameux PSVR 2, parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'il va débouler. Et un truc inquiétant, c'est quand même qu'on a vu passer Horizon Call of the Mountain avec les petites gougouttes de la papate du long cou. Quand il passe, avec les gougouttes. Il y a les petites gougouttes. Fameuses gougouttes. Avec les gougouttes. Et donc c'était très joli et tout ça. Donc le problème, c'est que officiellement, c'est le seul jeu qui a été annoncé par Sony. Et que FireSprite, le studio derrière qui va travailler sur Horizon Call of the Mountain, vient de publier une annonce, une recherche d'emploi, d'embauche pour je crois que c'est un programmeur spécial FX, donc effets spéciaux et effets visuels, pour travailler sur ce jeu. Donc ce qui veut dire que Horizon Call of the Mountain, il est toujours en développement, mais grave, c'est parce qu'ils ont même, ils ont même pas encore embauché les gens qui vont le finaliser. Donc c'est là où 2022 paraît bien compromis, parce que pour l'instant il y a que lui qui est officiellement annoncé. Donc 2023, ça commence à devenir très probable, surtout qu'on est déjà au mois de mai et que s'il avait dû arriver au mois de novembre, on aurait déjà les précommandes qui seraient lancées. Donc là, je pense qu'on s'écarte sur 2023 clairement, quoi. Ok, bon, on verra après. Ça reste des FX, hein. Les FX en général, c'est les choses que tu mets aussi à la fin. Un programmeur graphique ou c'est pas. Ouais, mais je veux dire, s'ils mettent encore 3 mois à trouver le type, après il faut qu'il ait le temps de travailler dessus. De se faire aux outils. Bougez-vous, quoi. Mettez pas les. Bon, après, s'il y a urgence, ils sont toujours capables de débaucher un mec d'un PlayStation Studio tierce. Ou alors ils nous font une version Quest et puis 2 mois après, ils rajoutent ses gougouttes. Ouais, super. Super, ouais, ça fait pas rêver ça. Ok, bon. Et donc c'est tout pour MOS 2. Rétrocompatibilité, tu l'as inséré du coup, Majo, ou... Moi ce que je voulais dire, c'est que. Pour le coup, je pensais que Laurent allait aussi parler des ventes de PS5. Il y a eu les chiffres de vente de la PS5. Alors attends, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, ça. Globalement, on sait qu'il s'est vendu 19,7 millions de PS5 à ce jour. Alors là, il y a eu des tonnes d'articles, hein, comme d'habitude. C'est les habitués, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est Presse Citron. C'est les alarmistes, c'est les clics. C'est ceux qui veulent faire du clic. Donc 19,7 millions, des ventes... décevante chez Sony, la PS5 se vend mal, c'est la catastrophe, tout le tralala. Donc au final, du coup, je suis allé quand même faire un petit tour. Alors ça, je vous montrerai le visuel un petit peu plus tard, parce que je pense qu'on va en faire une vidéo. Globalement, on s'amusait à comparer les ventes de PS2. Là-dessus, on a remis par-dessus les ventes de PS4. Donc on s'aperçoit que la courbe de vente de PS2 et de PS4, elle est quand même très proche. D'ailleurs, la PS4 surplombait la PS2 au début. Et c'est après la PS2. On a occulté la PS3. On n'a pas pris la PS3 parce que c'était la moins bien vendue. pour le moment, donc à 19,7 millions, pour le moment, la courbe de la PS5 des ventes se situe clairement entre celle de la PS4 et celle de la PS2. Quand on sait que la PS2 et la PS4 sont les consoles les plus vendues de Sony et également la PS2, la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, on peut se dire que la PS5 a quand même fait un bon démarrage, donc c'est pas la peine de dramatiser en disant 19,7 millions, c'est tout nul. Surtout qu'il ne faut pas oublier que la PS5, elle a 3 boulets au au cul. Le premier boulet, c'est la disponibilité des composants. Le deuxième boulet, c'est le Covid qui risquerait de repartir en Chine et qui a déjà retardé énormément les entreprises. Et le troisième boulet, c'est la crise en Ukraine qui pourrait aussi poser des soucis sur les composants et sur des délais. Donc la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. Donc voilà. On avait compris. Faut pas la peine de s'alarmer là-dessus. Il n'y a rien de, au niveau des chiffres, en tout cas, il n'y a rien de très grave. La PS5 se porte bien pour le moment. Après, on verra la courbe. La courbe va évoluer. Si vraiment la courbe sort de cette... Pour l'instant, elle est vraiment calée entre les deux courbes PS2 et PS4. Si vraiment elle sort de là, après, on pourra dire que oui, effectivement, là, il y a un problème. Mais pour l'instant, la courbe est très bien. La courbe est bien. Excuse-moi, vas-y, Majo. J'allais dire surtout que j'ai vu en plus qu'ils s'attendaient à vendre encore 20 millions d'ici la fin de l'année. C'est ça. Le problème en fait de ce PS5, c'est qu'elle a tellement décollé, mais elle a vraiment décollé grave d'un coup, qu'ils se sont dit putain, on est au-dessus de la PS2 et de la PS4. Donc de là, ils ont commencé à communiquer, ils ont fait au niveau de leurs investisseurs des prévisions. En disant, ben, à cette allure-là, on espère atteindre les 20 ou 25 millions à telle date. Et là, il y a eu au mois de mars, il y a eu le bilan. Et le bilan, ils ont dit, ben, on vous avait dit qu'il allait avoir 23 ou 24. Ben non, il y a 19,7. Donc là, tout de suite, oh, décevant, ils avaient dit 23, il y a 19,7. Mais au final, c'est comme Nintendo qui avait dit on en fera 110 millions et puis qu'ils en ont fait 108. Quoi. Exactement. mais au final, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de. Il y a rien d'inquiétant. C'est même étonnant d'ailleurs que cette PS5, avec les trois boulets qu'elle traîne, arrive à tenir. C'est qu'il y a vraiment une très forte demande. Et je t'en rajoute des boulets. Hein. C'est vrai qu'elle aurait surcartonné si elle avait été disponible plus facilement pour les joueurs. Oui, carrément. T'as forcément pas de jeu à cause justement de tous les problèmes que tu as évoqués, justement le fait qu'elle soit pas disponible autant que ce que Sony avait prévu, hors toute crise confondue. Les scalpers, tout ça, mais que ça a encore plus cartonné. Et il n'y a pas de jeu dessus, je le répète à chaque émission. C'est pas qu'il n'y a pas de jeu du tout, mais rien ne justifie l'achat de cette console. C'est tout lié. T'en as trois en tout. C'est ça qui est ouf. Enfin, franchement, voilà. Mais même hors PC, hein, je veux dire, t'as une PS4 Pro, ça marche très bien. Hein. C'est très très bien encore. C'est le confort, c'est ce qu'on disait, c'est le confort. C'est tout lié parce que les développeurs, tout à l'heure, on parlait de pas mal de jeux qui étaient retardés, même sur Xbox. Et sur PlayStation, on a vu que il y en a un paquet des jeux qui ont été retardés violemment là, qui devaient sortir au début, puis on n'en a pas vu un, quoi. Et tu te mets à la place des studios, ils se disent putain, il y a que 19 millions, et c'est ça que je comprends pas, c'est que finalement au niveau de sa courbe de vente, c'est une courbe normale. Et malgré ça, les mecs, ils retardent en se disant, mais ils s'attendaient à quoi, les types? Ils s'attendaient à ce qu'ils en vendent 30 millions les 6 premiers mois. C'est peut-être aussi lié aux développements qui sont de plus en plus compliqués et qui demandent beaucoup plus de ressources qu'avant et de personnel. Oui, ils vont le peaufiner pour avoir quelque chose de... Et surtout avec toutes les casseroles que certains, que beaucoup de développeurs ou de grosses boîtes de prod ont eu ces dernières années, éviter de se reprendre encore des emmerdes à cause du crush des employés. Et ça... C'est vraiment pas un mal, quoi. C'est vraiment pas un mal, justement, que les développeurs puissent travailler dans des conditions un peu plus saines pour eux et pour leur vie personnelle. Ils ont des conditions plus saines, mais ils se font défoncer sur les réseaux sociaux. T'en bats les couilles de ça, les connards qui vont aboyer sur les réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne du recul, justement. Enfin, quand je dis on. Quand tu vois jusqu'où ça va, quand tu vois jusqu'où ça va, quand même, c'est pour ça que je te dis, il y a deux poids, deux mesures aussi, mais quand tu. Fin, on revient toujours au même, mais l'histoire des menaces de mort pour un dev parce que le mec il a retardé son jeu, ou parce que tu vois, enfin je veux dire. Non, mais il y a toujours des débiles, hein. Non, mais voilà, mais. De toute façon. On arrive jusque-là, si tu veux. Internet en général. C'est bien pour le confort, mais. Il y a aussi ce côté pervers à côté. Internet en général, de toute façon, tu as celui qui va vraiment avoir les boules, qui va te dire « Putain, je suis dégoûté, il n'y a que dalle de jeu sur PS5 ». Bref, il va dire un truc classique et puis ça va passer. Et puis tu as ceux aussi qui ont un intérêt à fracasser la PS5. Tu as tous les fanboys de Nintendo ou de Xbox qui vont, de toute façon, quoi qu'il arrive, dire un truc pour piquer. Ou des gens qui sont même des fois... qui ont même des actions ailleurs ou je sais pas quoi, qui vont balancer un commentaire juste pour piquer, ou un développeur qui sera contre un autre studio qui va critiquer un jeu parce que son studio sera en sur internet. Il faut toujours se méfier de chaque commentaire parce que des fois ça cache aussi des mecs qui sont pas là, des intérêts derrière. Voilà, il y a des intérêts derrière, et des fois les intérêts ça se limite juste à du fanboyisme. Les fanboys devaient être un petit peu plus calmes sur les réseaux sociaux récemment avec les petits soucis d'Xbox. En ce moment, on s'en fout, on n'en parle pas, ce qu'on peut souligner, c'est la partie qui pose problème justement pour ce souci du week-end chez Xbox, c'est le DRM. Donc c'est l'espèce de système de sécurité qui demande une connexion internet permanente à tous les jeux Xbox, de manière à éviter la copie en fait. Et je crois qu'il y a jusqu'à 3 vérifications au lancement du jeu que tu ne vois pas, mais qui, si ta console n'est pas connectée à internet, c'est ce qui t'empêche de lancer ton jeu. Voilà. Et finalement, alors, qu'il soit boîte d'ailleurs, qu'il soit boîte ou pas, hein, qu'il soit dématérialisé ou sur disque, tous les jeux ont un DRM, ou quasiment tous les jeux ont un DRM. Et c'est ce qui pose problème justement à tous ces jeux quand tu as des problèmes de serveur ou pas de connexion internet, c'est que tu ne peux pas jouer à tes jeux. Voilà. Et c'est finalement le seul fait qu'il faut retenir de cette panne, outre que ce soit Xbox qui soit tombé à la ramasse, enfin les serveurs Xbox, c'est surtout ça, moi, l'information la plus importante dans ce qui s'est passé, c'est que les DRM, ça fout la merde. Voilà. Et ça fait souvent chier, surtout ceux qui ne copient pas et qui achètent les jeux. Exactement. C'est ça. Et oui, en plus, oui, parce que c'est même pas ceux qui trichent qui sont emmerdés, du coup, c'est ceux qui payent leur jeu, honnêtement. Ouais. Parce que tu en as aussi sur tous les jeux PC. T'en as sur PC aussi. Et ça n'empêche pas de retrouver, par des méthodes frauduleuses, les jeux en question. Donc, Mais bien sûr. Final, non, mais tu vois, Steam, c'est un peu le problème aussi, parce qu'il me semble que si t'as pas internet ou certains jeux, peut-être pas tous, tu peux jouer en ligne. Mais t'as des jeux, par exemple, comme Deathloop d'Arkane, justement, qui a un DRM qui fait friser le jeu de temps en temps, parce qu'il va faire un petit check sur ton jeu, quoi. C'est vraiment à la discrétion du développeur ou de l'éditeur, c'est pas Steam qui impose quoi que ce soit. Il y a 15 ans, je crois qu'il y avait justement Ubisoft avec Uplay qui avait mis en place le DRM obligatoire sur chacune de leurs licences sur Uplay. Ça avait fait bondir à l'époque, parce que tu avais ta connexion qui... tu jouais à ton Assassin's Creed 2, tu avais ta connexion qui cutait, tu sais. Et ben ton jeu, pige, il plantait. Ça marchait pas. Donc le DRM, l'invention du DRM, ça a toujours été une idée de merde, et c'est comme vous le disiez, en fait, ça embête ceux qui sont honnêtes, les gens honnêtes. Ouais. C'est un petit peu comme les DVD qu'on achetait à l'époque, où t'avais plein de pubs anti-piratage au début de ton DVD, que t'avais acheté, et que quand tu le piratais, t'avais pas toutes ces merdes là que tu pouvais pas passer. Sur iTunes aussi, passé un temps, il y avait des DRM dans les musiques, et quand tu gravais un CD à partir d'iTunes et que tu le mettais dans ta voiture, tu pouvais pas le lire, alors que t'avais acheté la musique sur iTunes. Et du coup, ils ont fait péter les DRM. Ah bah heureusement. Oui. Ça a tellement gueulé que maintenant, il n'y a plus rien. Donc maintenant, tu fais ce que heureusement. Donc, bon, enfin, voilà. Enfin, petit détail concernant, justement, ce qui est intéressant, c'est que la PS4 est sortie en novembre 2013 et que la PS5 est sortie en novembre 2020, ce qui permet de mettre les deux bien à caler sur le mois de novembre et puis de voir. Et comparativement, si on se disait que le PSVR 2 va sortir dans le même laps de temps qu'il était sorti sur PS4, eh ben, il faudrait qu'on attende jusqu'au mois d'octobre 2023 pour voir arriver un PSVR 2. Bien sûr, c'est pas choupi, ça, c'est pas la super nouvelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PlayStation VR était sorti quand la PS4 avait atteint à peu près 45 millions d'unités vendues, entre 40 et 45 millions d'unités vendues. Là, on en est qu'à 19,7, donc à peu près à la moitié. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont attendre qu'ils aient vendu 40 millions de PS5. Pourquoi ? Parce que le PlayStation VR, il est sorti sur un marché vierge. Donc il est vraiment parti de zéro. Et d'ailleurs, la courbe, elle n'a pas été très violente. Hein. La courbe de vente du PSVR, elle a été plutôt une ligne régulière qui est arrivée jusqu'à 5-6 millions maintenant. Mais ça n'a jamais été un gros boom. Il n'y a jamais eu une grosse... Donc le truc, c'est que, à mon avis, ça sortira bien avant le octobre 2023, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que le marché VR aujourd'hui n'est plus celui qu'il était en 2016. Et du coup le PSVR 2 pourrait partir beaucoup plus rapidement que le PSVR ne l'avait fait. Donc même sur un marché de 19,7 millions de consoles, ils pourraient s'en vendre plus au final que ce qu'ils avaient vendu. Et puis il y a l'autre truc, c'est que c'est là où je vais un peu introduire la réflexion de Majo, c'est que ce PSVR 2, il pourrait être aussi rétrocompatible PS4, PS4 Pro. On en avait déjà parlé, niveau technique c'est un peu compliqué, mais et puis surtout il pourrait être surtout à sa sortie compatible sur PC, et là du coup il ne dépendrait plus des ventes de la PS5 pour être vendu. Alors après, je parlais de rétrocompatibilité, il y a deux cas de figure. Il y a soit ce PSVR 2 pourrait être rétrocompatible et on pourrait jouer à des jeux PSVR sur un PSVR 2. Ça serait de la rétrocompatibilité. Mais il y a aussi la possibilité que ce PSVR 2 puisse fonctionner avec des consoles PS4 et PS4 Pro sur des jeux. Tout à l'heure, on parlait de Moss, par exemple, qui sort sur PS4 et qui sort sur PS5, et d'autres jeux qui pourraient être comme ça. Et du coup, ben, tu achèterais ton PSVR 2, tu ne pourrais pas forcément jouer au jeu PSVR sur ta PS4 avec le PSVR 2, mais tu pourrais jouer au nouveau jeu qui marcherait sur les deux consoles, par contre. Donc ça, c'est une autre possibilité. Alors moi, je pensais plutôt uniquement à la version PS4 Pro, parce que la version PS4, le coup, je l'occultais. Ouais. Et disons que ça permettrait à Sony de partir avec un parc, parce qu'on est à 122 millions de PS4 vendus et PS4 Pro. Là-dessus, tu rajoutes les 20 millions de PS5, tu as déjà un parc de 144 millions dès le premier jour avec le PSVR. Si en plus, tu rajoutes les joueurs PC, et là, ça se compte, je crois, en 700 millions, je crois. Sur PC, donc là du coup enfin 700 millions de PC, après il faut qu'ils puissent faire tourner de la VR, donc ça doit être moins, mais en tout cas ils partiraient directement avec un truc, un parc immense. Je crois que c'est 20 millions de joueurs sur PC en VR. En VR, et surtout ouais, ils seraient pas dépendants des ventes de la PS5, ça permettrait de vendre tout de suite le casque. Alors après la vraie question, c'est, vu les problèmes qu'il y a eu d'approvisionnement avec la PS5, est-ce qu'on n'aura pas les mêmes problèmes avec le PSVR 2? Et surtout, vu que c'est Gore-Tex apparemment en Chine qui doit s'occuper du PSVR 2, est-ce que le fait de commander le PSVR 2, est-ce que ça risque pas de poser des soucis de livraison de la PS5? Dans ce cas-là, ils vont retarder la création du PSVR 2 pour ne pas amputer du temps de travail sur la PS5. Donc, y a plein de questions en fait sur ce sujet-là. Mais bon. Je sais pas, rétrocompatibilité. Ouais. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se produire exactement le même problème qu'il y avait entre les versions PS4 et PS4 Pro des jeux PSVR et ce qu'on disait au début de l'émission avec le fait de développer sur la plateforme la plus faible pour ensuite adapter sur la plateforme la plus puissante. Et donc de se retrouver avec des portages feignants, voire même des portages tout court de versions telles quelles. Donc finalement, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que économiquement, ça peut être plutôt viable pour PlayStation, mais encore, tu vois, même techniquement, est-ce que c'est jouable à partir du moment où tu n'as qu'un seul câble en USB-C? Donc ça voudrait dire soit un adaptateur, tout en sachant que le premier PSVR en plus a un boîtier externe, parce que c'est vrai que la console, je crois, ne faisait pas tourner le PSVR seul. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour la PS4 Pro, mais exact. Je sais que la FAT, c'était pas possible. Donc, est-ce que réellement, finalement, ça peut être viable? Après, voilà, comme on dit, tout est possible, puisque ils peuvent ressortir une version PS4 avec un adaptateur externe. C'est pas forcément improbable non plus. Ils peuvent prendre ça à la dernière minute. Ça doit se gérer, mais ouais, c'est quand même une idée. Vu ce qui se passe et vu ce qu'on entend, ça peut être une idée, comment dirais-je, à envisager dans le pire des cas de figure, plutôt que de retarder le produit d'un an ou deux ans, quoi, tu vois. Oui, mais il faudra que les devs jouent aussi le jeu en repatchant leur jeu. Bah, avec l'expérience, on peut pas trop dire qu'ils jouent le jeu. C'est vrai que le PSVR 2 aura besoin sur PS4 ou PS4 Pro d'un boîtier, quoi. Sinon, ils n'auraient pas mis de boîtier. Et en plus, le boîtier était ventilé. Je ne sais pas trop à quoi il servait, d'ailleurs, ce boîtier. C'est un boîtier de calcul. Ah, supplémentaire. C'était pour le traitement de l'image, oui. D'accord. Donc après, ce qui explique que le HDR passe pas quand tu as ton boîtier branché sur la première version. Alors bon, bah alors si c'est pas possible, eh ben il reste le PC, et le PC par contre en USB-C ça pose aucun souci, et puis ça offre un double avantage, c'est que les devs ils vont faire un jeu PC, Et ils vont le balancer sur la PS5 et sur le PC le même jour en même temps. Et là, ils seront tout contents. Ah oui, ça serait très certainement la meilleure option. Sachant en plus la nouvelle politique de Sony de mettre... ils ont dit, encore Jim Ryan a dit qu'il voulait encore mettre plus de licences Sony sur PC directement. Mais attention à pas trop non plus... Attention à pas trop non plus écarter la console et se dire... Il y aura toujours des exclus. Comment dirais-je ? Mais par contre, pour les indés, c'est la plateforme idéale parce que tu travailles sur ton PSVR 2, tu fais ta version sur ton PC. Après, tu utilises le dev kit pour faire la version PS5. Puis tu balances les deux en même temps et tout le monde est content. Et tu as un super jeu en plus basé sur PC. Mais comment, donc avec de beaux graphismes. Comment faire pour... alors là, par contre, vraie question parce que j'en ai absolument aucune idée. Comment faire pour gérer les retours haptiques qui sont calés en fonction de ce qu'il y a dans la console PS5 avec un PC? Eh ben c'est par exemple, si tu utilises Unreal Engine 5, tu as on va dire des plugins additionnels qui sont sur le dev kit, qui sont spécialisés pour... tu ne vas pas appuyer sur un bouton, ça ne va pas se transformer automatiquement. Par contre, tu vas arriver sur ta version PS5 et tu vas refaire toutes tes commandes et justement toute cette partie haptique, cette partie eye tracking. Tu vas gérer ça pour ta version PS5. Je vous rappelle quand même que Toby Abbey, la boîte suédoise spécialisée dans l'eye tracking sur PC, est quand même en partenariat et en cours de discussion avec Sony. Et c'est pas pour rien, c'est certainement qu'ils sont en train de parce qu'eux, ils ont un driver que tu installes sur PC et qui permet de gérer l'eye tracking sur PC. Et si eux, ils sont en train de discuter avec Sony en ce moment, c'est peut-être aussi pour ça. C'est peut-être pour adapter l'eye tracking du PSVR 2 sur un PC. Donc, c'est un pilote, c'est qu'un système pilote c'est ça, de toute façon. C'est, ça. Bah, c'est comme les vibrations. C'est ça, ma question. Non, oui. Mais c'est que je pensais que c'était uniquement possible avec l'architecture de la PS5. Non. Parce qu'aujourd'hui, les jeux PS4 pourraient. Il n'y a pas de jeux PS4 rétro-compatibles qui utilisent la fonction de retour haptique. Il faut obligatoirement que ça soit une version PS5. Oui. Donc du coup, c'est pour ça que je me posais la question de savoir si c'était uniquement avec l'architecture de la PS5 qu'il était possible de faire ça, ou si c'était possible aussi sur PC. Moi, je pense pas. Hein. Je pense pas. De toute façon, après, il y a Sony qui va montrer un petit peu la voie de tout ce qui est haptique directement sur le casque et sur les contrôleurs de retour haptique. Une fois que ça va être fait, tous les constructeurs de casques qui voudront continuer l'aventure sur PC, dans le cadre où ça soit bon. Il faudra qu'ils passent à cette technologie-là de toute façon. Donc après, c'est pas l'ordinateur, lui, il fait ce que tu lui demandes de faire. En gros, il peut tout faire, absolument tout faire. Envoyer des informations à ton casque et à tes périphériques PC Master Race, pour les faire vibrer et tout. Non, mais ce que je veux dire, tout faire. Alors là, je vais faire hurler Laurent, mais tu vois, sur PC, moi, je joue avec ça, hein, avec une manette Xbox One. C'est normal. Oh, l'écologie. Oh, l'écologie. L'émission de la traîtrise, tu vois. et en fait, t'as des applications. Enfin, des applications. T'as par exemple. Pour ceux qui écoutent, ils viennent nous montrer une manette Xbox. Voilà, Forza Horizon. Et pardon, la version audio. Oui, c'est vrai. Pardon. Bien vu, ça. Bien vu. Donc voilà. Et donc, t'as des applications. Des dernières applications sur PC, par exemple Forza Horizon 5, qui utilise la vibration de la manette d'une façon que j'ai jamais vue en fait dans aucun autre jeu sur PC. T'as avec des DRM sur la route. Tu sens la route, tu sens vraiment voilà les vibrations selon la nature de là où tu roules, que ce soit l'herbe, etc. Alors que oui, t'as une intensité de vibration qui est différente, qui est totalement différente et qui est totalement transfiguré par rapport à d'autres applications. Mais l'ordinateur, lui, il envoie justement cette information-là à la manette pour que tu ressentes ça. Il n'y a rien qui n'empêchera, à mon avis, si c'est le cas, d'une compatibilité du PSVR 2 sur PC, que le PC lui envoie ces informations et tu dis à ce moment-là, hop, tu donnes un coup de shoot dans le casque, etc. À mon avis, ça vient vraiment pas de l'architecture de la console. Je pense que du moment que tu as un bon processeur et une bonne machine, un bon PC, il n'y aura aucun problème quoi, à ce niveau-là. C'est pas ça qui prend de la ressource de toute façon. Hein. Non, mais je suis non, pas Non, non, pas mais inquiet. Encore une fois, je me répète, c'était vraiment par rapport à l'architecture en elle-même, c'est la question que je me posais. D'accord. Ok. Non, mais bon, là-dessus, bah, là-dessus. Merci. Par contre, c'est vrai que la rétrocompatibilité, perso, j'y crois pas trop, moi, mais bon. Moi non plus. Voir. Ouais. Bah, non, à la base, moi non plus, mais enfin, je veux dire, toutes les solutions sont envisageables si jamais, tu vois ce que je veux dire, si mais jamais ils voient que ça traîne trop. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeux sortent en rétrocompatibilité, tout ce qui sort sur PS5 sort aussi sur PS4. Ouais. Est-ce que c'était prévu pour que ça dure aussi longtemps? Non. Alors... la console a bientôt 2 ans. En tout cas, ça n'a pas été fenêtre d'espoir, c'est le PC. Alors après, ça n'a pas été architecturé pour ça, en tout cas. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils voulaient, choisir un panel de jeux qui était sorti sur le PSVR, les jeux à succès, les plus gros jeux, et justement en faire une version PS5 sur PSVR 2. De les reporter sans trop les modifier, mais qu'ils soient compatibles avec les Sense et tous les systèmes comme ça. Donc il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils prendraient... Peut-être pas trop les plus gros succès, parce que justement, si c'est des jeux qui ont déjà été vendus dans leur première version Job Simulator classique, il vaudrait peut-être mieux qu'ils ressortent des jeux qui ont justement pas eu trop de succès, mais qui par contre étaient très bons, parce que ça, il y en a plein. Remasteriser et profiter justement d'une absence au catalogue ou d'une absence de suivi, je dirais, de leur première version pour il faut qu'ils faire quelque refasse, chose de mieux sur PSVR 2. Ils vont les patcher. Ils vont les patcher comme ils font pour certains gros jeux. Oui, sûrement. Rush of Blood, Timper. Comme tu vois sur le PS Store PS5, amélioré pour la PS5, bah, ça sera pareil pour la version PSVR et PSVR 2. Amélioré pour le PSVR 2. Voilà. Oh, ça serait bien, remarque. Hein, ça serait bien. Même quitte à payer 10 balles pour certains jeux. Non, pas un jeu de merde. Si, pour les bons jeux, par exemple, Astrobot. Si tu les as déjà. Ça met max sur PS5. Ah, mais t'aurais plus de clipping. Oh, génial, je suis pas sûr que je lèverai autant, mais VR poterie. Poterie VR, voilà, tout à fait. Mais je suis sûr qu'il doit être bon en plus celui-là. J'ai toujours pas essayé, mais il avait essayé. Ouais, je l'ai essayé, mais franchement, ce jeu-là, poterie VR, avec les retours haptiques sur les DualSense. Un grand fan de Ghost. Ça pourrait être pas mal, je veux dire, selon les courbes que tu mets sur ton vase. Ça y est, Majo qui te refont la scène de Ghost, tu sais. Voilà. Non, ça pourrait être plus intéressant. Ouais, et puis t'as la détection des doigts aussi. La détection. Tu fais une connerie avec tes... Ça pourrait être sympa pour le coup. Ouais, ça y est. Vous n'êtes pas des artistes, vous connaissez rien à la poterie, de toute façon vous êtes nuls, voilà. C'est vrai. Exact. Donc, poterie, non mais franchement... Bon, voilà, bah, du coup, s'il n'y a pas No Man's Sky, scandale. Hein. Ouais. Attention. Est-ce que tu peux faire des poteries dans No Man's Sky? Non, pas que je sache. Dire. Il manque cette fonctionnalité. Et voilà. Ouais, Hello Games, il y a des rumeurs comme quoi, justement. Ouais, ils vont faire la mise à jour Foundation Poterie. Poterie Foundation. Sean Murray a teasé un vase sur fond de planète. Pour faire et il défendrait la mise à jour quand même. Hein. Pour faire du housing. En plus, tu peux faire ta poterie. Franchement, ça serait trippant. C'est gratuit, de toute façon. C'est en plus du jeu de base. Donc, bien sûr que ça serait trippant que j'en parlerai. C'est clair. C'est tout, du coup, pour ce sujet. Pour moi, du coup. Moi, c'est pareil. C'est tout ce que j'avais à dire. Parfait. Bon, bah, vu qu'il n'y a pas de test à proprement parler pour cette émission-là, on va reprendre la rubrique. Et en plat, tu joues à quoi, Majo? Alors, moi, je me suis laissé tenter par un vieux jeu encore. Un vieux jeu pour sa sortie, on va dire, sur Xbox et sur PC. Mais un tout jeune jeu pour la version PlayStation, puisqu'il est sorti le mois dernier, je crois. Avril ou mars. Mars ou avril. Donc, ça s'appelle The Ascent. C'est développé par Neon Giant AB. C'est leur premier jeu. Et c'est un jeu dans un univers, alors pas post-apo, mais plutôt, comment dirais-je, dystopique, futuriste, très cyberpunk. Très néon. Très néon. Néon flash, et, bleu. C'est un TPS, donc vu à la troisième personne, mais avec une caméra un peu fixe, donc ça fait penser un peu à... comment dirais-je, aux vieux side-scrollers là, de l'époque, les Arma 3 et compagnie là, mais avec bien sûr de la 3D au passage en plus. C'est très beau, voilà, c'est essentiellement ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est que c'est très très beau, l'ambiance est vraiment géniale. Ça coûte pas très cher puisqu'il est à 30€ prix officiel, et moi je l'ai pris, il était déjà en promo à 20€. Donc j'en parle parce que j'ai l'impression il est passé sous les radars pour cette version PlayStation, parce que encore une fois il est sorti il y a un an sur PC et Xbox, donc je sais pas quels sont les stats de vente qu'il a eu Mais en tout cas, il a une très très bonne, de très bonne note un peu partout. Très bonne évaluation. Voilà, donc après, il y a un petit côté RPG aussi dans tout ça, où tu peux faire améliorer un paquet d'armes. Tu as une gestion aussi de tes compétences personnelles, donc ils vont te, que tu peux pas upgrader au maximum pour chacune. Donc il va falloir choisir, un peu comme dans Swordsman d'ailleurs, où tu pouvais faire ça et réinitialiser en fonction. Ça te coûtait un peu d'argent de réinitialiser tes compétences pour les, pouvoir les refaire. Donc là, c'est pareil. Tu peux tout réinitialiser, mais ça va te coûter une fortune. Plus tu avanceras dans le jeu, en fait, plus tu auras de points à refaire, donc ça va coûter plutôt cher. Et tu as aussi donc une amélioration de l'équipement. Tu peux gérer ton équipement, comment dirais-je, sur trois plans. Donc la partie haute de ton corps, la partie basse de ton corps et ta tête. Donc pareil, qui va te faire augmenter tes compétences, tes stats et tout ça. Et puis bah, c'est un gros shooter bourrin assez jouissif. Alors il n'y a pas vraiment une grosse sensation de surpuissance en fait quand tu vas jouer à ce jeu. T'en as une petite, mais c'est pas non plus toi aussi. C'est pas un jeu ultra ultra bourrin ou running gag ou ce genre de truc. On s'est compris, t'étais pas là il y a deux semaines. Et puis du coup voilà, c'est une très très bonne surprise. Alors l'histoire, ça se passe donc comme j'ai dit dans un univers cyberpunk, donc on est sur une planète qui est totalement inconnue, qui s'appelle la planète Vélès. Moi je la connais pas. Ouais. On incarne un humain qui bosse donc pour une corpo, ce qu'ils appellent donc c'est les grosses entreprises qui dirigent le monde, donc ce que redoute le plus Laurent avec Microsoft. Bah, il bosse chez Google quoi. Et en fait bah t'as plusieurs corpos donc qui se bataillent un peu l'argent qu'il y a, et puis tu as ce qui s'appelle des je sais plus comment on appelle ça, des gens du coup qui travaillent pour ces corpos en fait, et qui en seule guise de salaire ont une espèce de piole dégueulasse et puis un peu à manger et c'est tout quoi, et qui s'estiment heureux en fait de pouvoir travailler et pouvoir vivre du coup sur cette planète. Et en fait il s'avère que la corpo donc la plus puissante de cette planète, donc qui s'appelle la corpo Ascent, fait faillite. Et puis ben, on sait pas pourquoi, mais par contre ça va foutre une merde incommensurable sur Vélès. Et pour le coup ben, tu vas en gros c'est un peu ton chef, ton supérieur hiérarchique à ton niveau qui va prendre la suite pour gérer un peu ta vie, te donner 2-3 missions, et puis tu vas t'apercevoir que ben, en fait ça comment dirais-je, une importance un peu plus grande que comment dirais-je, ce que tu pensais au niveau de l'histoire, et que le problème est plus grand, donc tu vas devoir aider d'autres factions pour pouvoir solutionner un peu la situation et découvrir pourquoi donc du coup la corpo la plus puissante de la planète, et même je crois de la galaxie ou de cet univers. Voilà, c'est ça. A fait faillite. À noter donc du coup que tu as une multitude de personnages qui vont intervenir. Dans l'univers, tu as donc, comme je disais, tu es un humain, mais tu es accompagné d'autres races extraterrestres en fait. Et tu constates un peu que l'humanité, on va dire, est une sous-race, c'est-à-dire qu'elle est limitée physiquement et intellectuellement par rapport à d'autres espèces. Donc du coup, ouais, il fait pas trop bon se sentir à être humain, puisque c'est plus des hommes de main en fait qui sont là pour faire le sale boulot que des gens qui sont influents, on va dire, sur leur monde. Et je trouve ça plutôt intéressant. Tu me décris complètement au niveau du scénar un mélange entre cyberpunk de CD Projekt et Mass Effect aussi. Alors peut-être, écoute. Les corpos, le côté dégueulasse justement de l'univers avec toutes ces grosses entreprises, les gens qui bossent comme des chiens pour rien, ça c'est cyberpunk. Le côté humain qui est vraiment la sous-race de l'univers, qui est vraiment mal vu et qui te met en porte-à-faux un petit peu dès le début quand tu commences ton aventure, ça c'est Mass Effect à 100% quoi. Eh ben, tu vois, j'ai jamais fait un Mass Effect, j'ai pas fait non plus Cyberpunk, donc c'est peut-être pour ça que le jeu me plaît autant finalement. voilà, donc bah, pour le scénar, pour l'instant, bon, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai joué, je pense, à peu près 5 heures. Je crois qu'il y a entre 10 et 15 heures de durée de vie, si je dis pas de bêtises. Je fais le jeu en difficile, il est quand même. C'est le niveau max, il est quand même. Pas simple, mais bon, rien de vraiment insurmontable. Tu refais 2-3 fois certaines zones et puis t'y arrives. C'est assez tactique aussi quand même. C'est pas uniquement voilà de la roulade, de l'esquive où tu bourrines, tu shootes, etc. Non, t'as une petite, t'as une partie couverture où tu vas pouvoir te mettre à couvert en fait et tu vas jouer sur les plans de tes ennemis. Donc c'est soit t'es debout, soit t'es accroupi si tu veux les ennemis qui sont debout ne te toucheront pas quand t'es accroupi planqué derrière quelque chose, mais toi tu vas pouvoir les toucher en sortant en mode couverture. Donc il y a un petit aspect ouais aussi technique où si t'y vas comme un nœud, tu vas pas y arriver, tu vas te faire défoncer malgré le fait que t'es barres de vie au maximum, parce que comme je disais t'as les compétences mais tu peux choisir celle que tu veux améliorer au maximum dès le départ. Perso je conseille la vie et le taux de coût critique, mais malgré tout voilà, même si tu as toutes tes barres de vie au taquet, tu peux te faire plomber en 20 secondes en fonction de comment tu joues quoi. Donc il y a aussi ce petit côté un peu tactique qui est plutôt intéressant et je vais revenir sur la réal, mais ce plan 2D fixe dans un environnement 3D avec des arrière-plans qui sont absolument magnifiques, une ambiance de folie avec la musique. Tous les sons qui sont derrière, vraiment, enfin, c'est juste, comment dirais-je, enfin, je trouve ça incroyable parce que sans avoir un jeu qui est ultra scénarisé, finalement, qui est quand même très, très limité dans sa mise en scène, ben, ça te permet d'avoir une petite part d'imagination qui travaille aussi en plus du jeu. Et je trouve que ça colle, du coup tu peux te faire un petit imaginaire en plus et ça colle très bien avec l'univers de ce qu'il présente dans The Ascent. Donc c'est une très très bonne surprise, la bande son aussi est très très bien, elles sont pas nombreuses les musiques, c'est assez redondant, surtout la musique des combats qui est toujours plus ou moins la même. Mais après tu as plusieurs zones, alors oui c'est vrai j'ai pas précisé, c'est un jeu en semi-monde ouvert, sur plusieurs plans. Donc tu vas avoir des quêtes en fonction des personnages que tu vas avoir, des quêtes secondaires et des quêtes principales. Tu te déplaces un peu partout dans l'univers, tu as une map donc sur 3 étages je crois pour l'instant, et tu découvres à la manière d'un open world traditionnel, tu découvres des zones et une fois que tu les as découvertes tu vas pouvoir te déplacer rapidement dans certaines d'entre elles, mais tu vas pas pouvoir aller directement où tu veux, enfin tu peux pas aller d'un point A à un point B. Tu pourras te déplacer rapidement, mais que dans les zones ciblées. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es au premier étage de la zone, en gros, tu ne vas pouvoir te déplacer rapidement que sur les zones du premier étage. Tu ne pourras pas descendre rapidement au sous-sol ou au rez-de-chaussée, ce genre de truc. Donc, c'est aussi un peu limité. Il y a un aspect redondant sur les déplacements. C'est vrai qu'ils sont très longs. Le personnage ne se déplace pas spécialement vite et tu dois faire pas mal d'allers-retours au niveau de la carte. Alors ça me va parce que les environnements sont superbes, donc moi j'aime bien le contemplatif, donc je contemple. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu long, parfois, donc il y a quand même les voyages rapides qui vont te faire économiser la moitié, je dirais, du trajet. Il y a quelques bugs de son aussi, notamment au niveau des fusils d'assaut, où tu as parfois le bruit en fait de ton fusil d'assaut qui se bloque. Et en fait, ben, malgré le fait que tu tires pas, tu vas toujours l'entendre derrière. Certains dialogues aussi qui déconnent. Et puis c'est tout, voilà. Donc pour ma part, très très bon jeu, bonne découverte. Pour un premier jeu, voilà, je répète, hein, c'est leur premier jeu à Neon Giant. Donc c'est vraiment un très très bon jeu, j'adhère totalement et il me tarde de pouvoir y remettre les mains parce que j'y ai pas joué depuis le week-end dernier et j'avoue que tu trembles. J'ai bien envie de continuer. Voilà. Eh ben merci, merci Majo pour ce test de Bah écoute, ceci, de rien. Non mais j'ai agréablement surpris, voilà, encore un bon jeu, et justement je voudrais pas que ça passe sous les radars, c'est leur premier jeu, il faudrait qu'ils y arrivent, et franchement le jeu est cool. En tout cas des images que t'as envoyées, en tout cas c'est très très très joli, effectivement. Ah oui, non, ça claque bien. C'est vraiment très beau. Ça claque bien, c'est coloré, mais c'est pas simple, tu vois. Non, c'est pas... Alors c'est vrai, c'est un peu... ça peut paraître un peu bordélique au début, notamment pour se repérer. Mais en fait, quand tu avances dans le jeu, tu t'aperçois que les zones sont un peu classées, on va dire, par niveau de vie. Au début, tu démarres dans les bas-fonds, c'est dégueulasse, t'as des sacs poubelles partout. Et plus tu vas avancer, plus tu vas rentrer dans les zones riches, donc avec des environnements beaucoup plus propres, beaucoup plus lissés. Mais toujours dans un univers un peu dystopique. Donc voilà. Non, vraiment, il me tarde de connaître la suite, justement, d'avancer, d'en connaître un peu plus et de voir de nouveaux décors, parce que putain, à chaque fois, c'est vraiment la gifle quasi permanente. Quoi. Ok, bon, bah, c'est cool. En tout cas, ça donne envie. À voir. À toi, El Rocco, en plat, tu joues à quoi? Toujours Alors, j'ai ajouté un ou deux. Bon, toujours sur Horizon, hein, le premier, que j'essaie de terminer. Ah, merde! spoilez pas les mecs, hein, ça fait deux mois. Non, j'arrive pas à le finir, mais c'est terrible. C'est quand tu commences à vouloir aller dans. Faire de l'exploration. Une quête. Bah ouais, et puis moi, les voyages rapides, tu vois, j'aime pas trop parce que tu peux toujours tomber sur quelque chose que t'avais jamais vu ou quoi, tu sais, une grotte ou quoi. Et moi, j'aime bien justement avec nettoyer la carte. Voilà, utilise ton focus. Ah, j'ai hâte de faire le 2, putain, vous me le vendez, c'est un truc de fou. Il est très beau aussi, franchement. Avec non, le recul, non, non, il est très bien. Enfin, il est bien. Très bien, ouais, c'est peut-être un peu déjà, mais il est... Non, et puis bah, là, je suis dans un moment où on apprend ce qu'est Aloy, tout ça, donc c'est assez sympa. Sinon, j'ai essayé le jeu que tu nous as plus ou moins recommandé, là, Martha is Dead, ça y est. Ah oui, alors, ça y est, t'es. Ah bah, ça y est, t'es traumatisé. Je suis conquis, hein, putain. Et franchement, si vous n'êtes pas bien dans. Si dans la vie ça va pas. Il faut pas y jouer. Jouez pas ce jeu-là. Parce que franchement, c'est tendax. Hein, t'es arrivé à la scène, sans spoiler ni quoi que ce soit, t'es arrivé à la scène dont j'ai parlé, t'as vu ce truc-là non, à la fin? Non, je. Alors, malheureusement, j'ai pas pu y retourner parce que bah, le temps de jeu il est assez court et je suis souvent sur After the Fall malgré la note dégueulasse que je lui ai donnée, mais c'est un jeu qui heureusement pour lui se bonifie. On en parle de la session de la semaine dernière ou pas? Parce que les bugs de son c'est de pire en pire, hein. Ah là franchement je sais pas ce que vous aviez dans le casque. Mais j'ai capturé quelque chose qui, je pense, si c'est bien retranscrit, ça va être pas mal en termes de bug de son. Mais ça, y en est d'accord que tu l'avais toi aussi ce bug de son. Hein. C'était quoi comme bug? Ah oui. Bah, c'était un son redondant, de l'écho, ça coupait, on s'entendait plus. Ça venait du lag à mon avis du jeu au fur et à mesure. Je crois que c'est le son du lag. Ouais, c'est le lag. C'est un son de lag parce que plus il y avait des ennemis et plus on allait de vague en vague et plus le son, il en pouvait plus. Il saccadait. C'est comme une Kalachnikov, quoi. Ça, il saccadait comme ça. C'est ça. Ouais. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas la version PlayStation VR pour une fois qui est mise en cause. Non, mais c'est le lag du jeu, quoi. C'est le jeu. C'est les serveurs, le jeu, je pense. Pour le coup. Oui, t'en as même un joueur qui a rage quit parce que c'était pas possible pour lui. Donc oui, voilà, je joue aussi toujours en VR. Donc Martha is Dead, non, je suis arrivé au moment où tu retrouves ton petit ami. Ouais, d'accord. Où tu retrouves ton petit ami. D'accord, voilà. Ok. Et que ta sœur se sèche comme un raisin sec de jour en jour. Ah, franchement, c'est spécial. C'est pesant, hein. C'est pesant. Et la veillée funéraire à la maison, à domicile, c'est particulier. Ah, c'est ce qui se faisait à l'époque. Hein, mais on... Ah oui, dans les années... Oui, voilà. Ouais. Parce que c'est même pendant la guerre. Années 40, ouais. Les années même 40. Encore maintenant. Hein. Ouais, dans certaines personnes âgées. Non, dans certains pays, ça se fait, mais en France, c'est interdit de faire ce genre de choses-là. Ah oui, d'accord. Alors, on parle peut-être pas de la même chose. Non, ouais. Et non, franchement, il est top. Il est top surtout, bah, malgré que le jeu rende toute la partie photo plus simple. Ouais, un peu rébarbatif au bout d'un moment. Quoi. C'est un peu, ouais, mais ça prend la peine quand même de t'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, le développement des photos, les trucs comme ça. Et puis bah, de pouvoir jouer avec les différentes lentilles où tu peux capter certaines choses voilà, en fonction de s'il y a trop de lumière, pas assez, etc. T'as moyen de faire des très jolies photos avec, en tout cas. Si vraiment tu t'intéresses, et c'est complètement optionnel en plus, hein, mais t'as moyen de faire vraiment des très beaux clichés, quoi. Ah oui, et l'ambiance est magnifique dans le jeu, le sound design, t'as l'impression vraiment d'être à la campagne, quoi. C'est vraiment magnifique. Et puis sur mon PC, bah, j'ai une 1080 Founder, franchement, ça tourne en full, c'est super bon. Mmh. Donc, il y a celui-là. Et bah, y a un petit jeu que j'ai fait avec mon pote. C'était Action Squad Doors Kickers. Alors, ça ne parlera sans doute à personne, mais peut-être Broforce, est-ce que ça Ah ça oui, Broforce, ouais, je connais. Ouais. De nom, ouais, vite fait. C'était excellent, ça. Voilà. C'était magique. Et ben, je pense, alors je sais pas si ce sont les mêmes devs qui se sont lancés là-dedans, mais en tout cas l'aspect graphique en pixel art c'est exactement la même chose. Seulement là, c'est le but du jeu. Tu incarnes, enfin un des personnages. T'as plusieurs personnages de comment les GIGN américains quoi, les SWAT. Et avec des compétences particulières, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être plus précis, style sniper, l'autre ça va être un gros bourrin qui rentre et qui tire dans tous les sens. L'autre va tenir le bouclier, donc il va pouvoir absorber quelques impacts de balles et tout. Et le but c'est de nettoyer souvent une carte, alors ça peut être un immeuble, une maison, tu peux rentrer. Tu peux utiliser les échafaudages pour atterrir, briser la verrière et puis atterrir en plein milieu de la pièce, nettoyer les gars, faire attention de ne pas tirer sur les otages parce qu'il y a aussi ça. Donc il y a une petite gestion, on va dire, de tes cadences de tir. Tu tires pas comme un gros bourrin, bah, sinon tu fais un score de merde. Et plus tu fais un score de merde, bah, moins tu fais évoluer tes personnages. Parce qu'il y a un petit système d'évolution. Tu fais évoluer ta résistance aux balles, tes armes, ta précision, tout ça, toujours en fonction de la classe que tu utilises. Et franchement, mine de rien, c'est tactique. Et quand tu joues avec ton pote, bah forcément, tu dis tu mets des stratégies en place qui ne fonctionnent absolument pas et qu'au final, qui sont toujours foirées au bout de. Ah, qui sont toujours. Bah, voilà. Au final, tout le monde est. La stratégie finit toujours pareil. En tout cas, c'est de la stratégie à la Ruskov, quoi. C'est bon, c'est efficacité optimale, quoi. Mais bon, tout le monde est mort, quoi. Tu vois un truc, tu tires, quoi. Ah, c'est un petit peu ça. Et puis le jeu. C'est le bon chasseur. Le jeu, il s'est aussi déjà renouvelé parce que j'y joue le jeu existe depuis déjà un petit moment. Et t'as déjà un mode avec des zombies où les otages se transforment aléatoirement en zombies. Donc, faut faire gaffe. Plusieurs modes de jeu, quoi. Ouais. T'as plusieurs modes de jeu qui. Et puis t'as le jeu aussi qui. Ça nous avait bien fait marrer. Qui te propose, tu sais, toutes les options graphiques anti-aliasing de fou. Tu sais, le SSAAX, XXX et tout. Mais en fait, quand tu veux l'activer, le jeu te troll. Il dit non, mais c'était une blague. Mais tu crois vraiment que ça existe, mon gars? Non, mais j'y crois pas. Tu cliques encore dessus. Mais t'es con, quoi. Ça, c'est bien enfin, ça. Le jeu te troll, en fait. Et c'est marrant, quoi. Et voilà, ceux qui ont aimé Broforce. Alors, c'est différent de Broforce parce que. C'était vraiment de la caricature Broforce de tous les personnages de films d'action avec des attaques spéciales qui étaient terribles. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous conseille la démo qui était Expendable, je crois. C'était comme Broforce, mais voilà, avec la sortie des Expendables, t'avais justement les vrais personnages d'action du tous film les persos, ouais. Et qui étaient dedans. Et qu'est-ce que c'est con, mais qu'est-ce que c'est génial comme jeu. Enfin, voilà. Ah ouais, c'est... Le Schwarzenegger, il était top avec son c'était génial, quoi. Ouais, c'est toujours une attaque spéciale qui te rappelle tous les films de boomers, de vieux cons, quoi. Predator. Années 80. La belle époque où les films étaient violents, sexistes, homophobes et que ça posait et de la testostérone, tu vois. Exactement. C'est... Les vampires ressemblaient pas à Twilight, c'était autre chose, quoi. C'était une autre époque. Ah, bah c'était Wesley Snipes. c'est les vampires de l'époque, voilà. Qui t'arrachaient des gueules et puis voilà, qui te les empalaient par vis, quoi. Ah, il fallait que ça saigne. C'est ça. Ah, il faut. Bah oui, c'était obligatoire. Hein, donc, ok. Bah. Donc voilà, c'est le petit trio en ce moment que j'ai testé. D'accord. Voilà, bah, merci, elle. On va passer à Lolo. À quoi tu joues, Lolo, en plat? Alors là, je vous en avais déjà parlé pour les Game Awards que j'avais acheté aux enfants It Takes Two. Et du coup, je l'ai refait récemment. Et alors, c'est vraiment un truc, franchement, si vous avez des enfants à partir de, on va dire, 5-6 ans, 7 ans, même plus, hein, parce que même s'ils ont 13-14 ans, ça marche aussi. De la coop, un jeu qui est magnifique, une histoire qui est superbe. Franchement, allez-y à fond, quoi. C'est le okay. truc à faire à tout prix. Et puis pour ceux qui aiment bien jouer et qui commencent à avoir les enfants qui commencent à toucher un peu la manette, vous allez passer un super moment avec vos gamins parce que c'est extra quoi. C'est vraiment de la vraie coop. Hein. Si tu peux pas passer si t'aides pas l'autre, c'est super classe comme jeu. En tout cas, il a beaucoup de bonnes critiques celui-là. Donc, Franchement, faites-le. Il me dit bien. Il vaut le détour et puis vous allez passer un super moment avec vos gamins. D'accord. Ouais, bah, c'est cool. Donc, It Takes Two. Je développe pas parce que j'en avais déjà parlé sur un podcast. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, toi, Sei, tu joues à quoi En plat. Je joue à pas mal de trucs, mais je voulais surtout parler du dernier Arcane Studio. Studio que j'aime d'amour depuis 15-20 ans maintenant. C'est Deathloop. Deathloop, on en avait déjà parlé aussi parce qu'on en avait parlé quand on était, je crois que c'était des Game Awards, je sais même plus, ou un E3. On en avait parlé quand il l'avait présenté. Ouais. Et qu'on ne comprenait pas trop ce que c'était comme type de jeu avec un design très chelou. Et je peux te dire que même en y jouant, j'ai mis 2 heures avant de comprendre ce que c'était que ce jeu. Donc c'est un FPS. On retrouve. Ah ouais, il t'a fallu 2 heures pour déduire ça. Que c'est un FPS, ouais, je suis un peu con aussi, donc c'est pour ça. Ah putain. Ah, tu régresses. Je régresse. C'est moche de vieillir. Ah, c'est la vieillerie, ça. Là, déjà, tu retrouves tout le génie d'Arkane au niveau du feeling, des déplacements et des gunfights. Si vous aimez Prey, le dernier qui est sorti, et surtout les Dishonored, c'est vraiment le même type de déplacement, le même type de feeling de déplacement qui est vraiment cool. Et en fait, tu vas revivre inlassablement la même journée sur la même île tout le temps, pendant 4 périodes de la journée différentes, le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Et en fait, selon tes actions, tout va changer en fait au fur et à mesure de la journée et selon les 4 zones dans lesquelles tu vas être, ça, tout va avoir une influence. Quand tu avances dans cette journée là, tu vas récupérer, je crois que c'est des radium, ça s'appelle, qui va te permettre du coup de booster ton personnage et de figer des objets ou des bonus à ton perso ou des armes pour qu'il les retrouve le lendemain matin, parce que si tu ne fais pas ça, si tu ne récupères pas cet iridium, si tu ne sauvegardes pas tes armes et tes boosts, et ben en fait tu perds tout le lendemain matin. Si t'as rien sauvegardé, en gros tu perds tout. Et ce que tu vas faire, tu vas apprendre justement un petit peu qui tu es, pourquoi est-ce que tu veux casser la boucle temporelle de cette île. Pourquoi est-ce que tous les gens sont bizarres, quels sont les cibles que tu dois éliminer, quelles sont les personnes qui dirigent un petit peu cette petite société bizarroïde, c'est qui la meuf aussi qui essaie de te buter tout le temps, parce qu'en fait des joueurs extérieurs peuvent venir dans ta partie et te pourrir ta partie en fait, et te buter pour te faire perdre justement tous les objets que tu as récupérés. Tu peux mourir 2 fois par période de la journée, et une fois que tu as perdu ces 2 fois, en fait tu reviens au lendemain matin et tu as tout perdu. Donc voilà, il y a un petit côté roguelike, il y a un côté un petit peu à la Dishonored justement d'infiltration, un petit côté où ta partie peut complètement vriller d'un moment à l'autre. Tu peux bien réussir tes premières parties de la journée et puis arriver au soir tu vas te faire buter par un random péon et puis qui va te faire tout perdre. Et donc tu vas au fur et à mesure de tes pérégrinations là-dedans, tu vas lire des documents, écouter des audiologues qui vont te faire découvrir des codes d'accès, des planques cachées, qui vont te donner des missions secondaires ou des missions principales supplémentaires. Et en fait tu fais ton menu de ta journée, ce que tu veux faire, et puis après tu te fais ton petit chemin comme ça et tu te fais ta petite routine de déplacement, tu continues d'évoluer, mais en même temps c'est un roguelike. C'est extrêmement compliqué à expliquer parce que c'est extrêmement compliqué à comprendre. Comme je te dis, en début de partie j'ai mis 2 heures quand même pour essayer de comprendre un petit peu les mécaniques et ce que le jeu a envie de t'expliquer, parce qu'il t'explique tout au départ par des tutos textes qui sont assez lourdingues, mais en fait c'est qu'en essayant, c'est qu'en perdant, c'est qu'en gagnant que tu peux appréhender le jeu et que tu peux le comprendre. Et une fois que tu passes les 2 premières heures de jeu à tâtonner un petit peu, là tu prends un prix monstrueux quoi. Et je pensais pas que j'accrocherais comme ça. J'étais même à 2 doigts d'abandonner au bout d'une heure et demie, parce que je me suis dit putain vas-y, c'est pas un jeu pour moi, c'est un jeu où tu peux tout perdre comme ça en 2-2 pour avoir fait une petite connerie. Mais en fait non, parce qu'après tu apprends justement à plus faire n'importe quoi, à vraiment contrôler tes déplacements, tes actions, et tu à déjouer les pièges justement qu'au départ tu voyais pas. Et surtout à sauvegarder ton équipement et ton savoir. Donc c'est une très bonne pioche, c'est du arcane, c'est du génie de game design, vraiment, au niveau des maps, au niveau de tout, quoi, de l'ambiance, c'est génial. Deathloop, franchement, je pense que c'est un jeu qui a pas du tout cartonné, parce que c'est un jeu qui était très difficile à présenter et oui. à vendre. Ouais, pourtant il a eu des bonnes critiques. Hein. Il a eu des bonnes critiques, mais même avec des bonnes critiques, ouais, tu vois, moi ce jeu... Je l'ai pris en fan du studio, mais c'est chaud. Quand on l'a découvert, quand ils l'ont présenté, c'était pas au Game Awards, non. La première fois qu'on a vu la bande annonce, je crois. Non, c'était un PlayStation Showcase. Voilà, Showcase. Et depuis, moi, je suis resté à me dire, j'ai toujours pas compris ce jeu. Et quand je voyais même le trailer ou le machin, le trailer me vendait pas le jeu non plus. Donc, le trailer ne t'explique rien du tout. Je me suis retrouvé en supermarché avec la boîte dans les mains à me dire je fais quoi, je le prends, je le prends pas, et à le reposer parce que je me dis je sais même pas ce que ça va être ce truc quoi. Et c'est vrai que à mon avis c'est là-dessus niveau com ça n'a pas été très clair et il y a beaucoup de joueurs qui l'ont peut-être pas boudé mais qui l'ont mis de côté parce qu'ils ont pas trop saisi le truc quoi. Mais il cartonnera peut-être quand il sera dans le Game Pass. Ils ont toujours. Ouais. Bah non, pas forcément, parce que c'est le Game Pass n'est pas fait pour des gens qui essayent de le Game Pass, t'essayes le jeu 10 minutes, une demi-heure, tu vois que tu comprends rien, t'arrêtes, tu le désinstalles et basta. Parce que justement, l'acheter, ça t'oblige un petit peu plus à t'investir dedans. Et c'est vraiment un jeu qui nécessite un minimum d'investissement de la part du joueur. Mais Arkane, de toute façon, a toujours eu des concepts un petit peu chelous. Déjà, Prey, c'était le cas. Les Dishonored aussi, même si c'était un peu plus basique au niveau de l'infiltration, mais t'avais toujours un truc ajouté que tu voyais nulle part ailleurs. Et là, dans Deathloop, ils sont allés vraiment très très loin dans le concept. C'est pas quelque chose que tu peux expliquer en 10 minutes. C'est un truc que tu peux comprendre en te payant des murs en pleine face pendant 2 heures. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh ben, tu t'éclates. Franchement, tu t'éclates. Il est vraiment génial. Et puis les joueurs ils sont de moins en moins patients. Et puis le concept de boucle temporelle aussi n'a pas été trop utilisé, même pas du tout quasiment. C'est juste Est-ce que c'était pas aussi pour pas dégoûter les joueurs qui l'ont peu expliqué? Enfin, comment dire, pour laisser une part de mystère en fait, je veux dire, et de découverte au jeu. Peut-être, mais du coup au niveau du concept, si tu t'attends juste à avoir un Dishonored-like, parce que vraiment dans la jouabilité c'est vraiment du Dishonored. Hein. Tu risques d'être un petit peu désarçonné, quoi. Un petit peu surpris, comme je l'ai été, et je te dis, j'ai failli abandonner, et puis je me suis dit, allez, quand même, je vais essayer encore une petite partie, et puis là, bim, déclic. Maintenant, c'est vraiment génial, quoi. Je m'éclate, je fais mon perso, il commence à être bien badass, je commence à avoir mes petits repères dans le jeu, donc vraiment très très très bon. Et puis les joueurs qui s'infiltrent pour te buter, ça va, tu leur fais la misère. Ah, mais c'est bon, ouais. Ça, franchement, c'est bon. J'ai vu dans certains tests, justement, après, que justement c'était quelque chose qui pouvait gaver, parce que justement tu peux mourir tellement facilement et surtout t'as tellement gros à perdre dans ta journée quand t'as vraiment bien commencé ta journée et que tu te fais buter vers la fin, vers la fin d'après-midi ou alors le soir par un joueur extérieur, t'as vraiment les boules quoi, t'as vraiment envie de tout péter hein. Mais est-ce que c'est pas un mode de jeu à part entière ça aussi? Mais non, juste tu peux acheter le jeu que pour ça. Ouais, pour faire aller faire chier pour les autres. Faire chier les autres. Bah, il y a une satisfaction là-dedans, mais tu vois, c'est un coup de poker aussi à prendre. En général, moi, je les fume. Je me suis vraiment peut-être deux fois, j'étais un petit peu en difficulté. Mais sinon, tu les fumes quand même assez facilement, quoi. Moi, je trouve l'expérience. C'est un concept vraiment super. Et t'es pas obligé de le mettre si tu veux. Tu peux rester en solo. Tu configures ton jeu en solo. Et du coup, c'est l'avatar de Juliana va être contrôlé par l'ordi. Et là, c'est encore plus simple. Mais bon, c'est un petit peu moins intéressant, quoi. Mais tu vois, ça rajoute un petit peu de piquant, un petit peu de piment dans ta partie qui te met un petit peu plus en stress. Et non, ça fait vraiment partie du plaisir du jeu. Ce concept, c'est un peu repris sur Watch Dogs aussi, où t'avais un joueur qui pouvait venir te pirater dans ta partie. Et tu stoppais net tout ce que t'étais en train de faire. Et puis ça te faisait perdre, tes points de compétences. Lui, il en gagnait, toi, t'en perdais. Et tu perdais des compétences ou alors t'étais moins proche de les activer avec ce système de jeu, mais que tu pouvais aussi désactiver pour jouer en solo. Pour jouer en solo et pas être emmerdé, parce que je comprends aussi qu'il y en a qui n'aient pas envie de se prendre la tête avec ça. Ah bah oui. Mais là, c'est bien équilibré, donc du coup, ça passe vraiment bien. Et ça rajoute ce côté un petit peu hardcore du jeu. Mais ça reste du FPS ou... Ah oui, c'est FPS. Hein. Ah oui, c'est du FPS. Ah d'accord, il n'y a c'est pas cool. d'énigmes ou de trucs comme ça à résoudre Si, si, des énigmes, t'en as plein partout. C'est pas que du pompon boum boum comme on a pu voir dans le trailer. C'est ça. D'accord. Ah non, il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup de lectures. Il faut que tu comprennes ce que tu fais, ce que tu veux faire, comment atteindre tes objectifs, comment atteindre tes cibles, comment les manipuler dans le temps, par exemple changer, faire une action particulière qui va faire bouger une de tes cibles pour qu'il soit dans un certain lieu à un certain moment de la journée. Mmh. Par exemple, tu as deux grosses cibles principales. Tu en as un qui donne une fête le soir dans son manoir et tu as un chercheur qui a refusé l'invitation. Et bah, tu dois faire en sorte, justement, au début de ta journée, qu'il accepte l'invitation pour le retrouver après, à la fin de la journée, dans le manoir. D'accord. Et entre le matin où tu as fait ça et puis le soir où tu dois buter tes deux cibles, tu as les autres cibles, je crois qu'il y en a 6 ou 8, je sais plus, en tout, que tu dois pareil aussi manipuler pour pouvoir les buter efficacement, faire ta journée en fait et niquer tout le monde. Quoi. D'accord. Et niquer le plus de monde possible, sans perdre. Toi, tu aimes bien, c'est comme Hitman, tu aimes bien tuer les gens, toi. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Mais je suis gentil en fait. Planifier des assassinats, c'est le. C'est son truc. C'est son truc. Le truc préféré. C'est le hobby de Sei. S'il y a quelqu'un qui nous veut du mal, on lui envoie Sei. C'est ça. Je commence à avoir un petit peu d'expérience là-dedans. Ça. C'est la nouvelle génération d'assassins avec des cheveux. Quoi. Avec des cheveux gris, voilà. Donc voilà, moi je vous conseille Deathloop, donnez-lui sa chance. Faut persévérer et pourquoi pas. La prochaine fois que je l'aurai dans les mains dans un magasin, je me dirai tiens pourquoi pas. C'est vraiment le pied. Par contre, moi j'y joue clavier souris parce que manette. Mais vu que le jeu t'as pas le droit à l'erreur dedans. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, je lui mets une tête directe. Toi, clavier souris, tu peux le faire. À la manette, moi, je rigole pas, tu vois. À la manette, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tandis que clavier souris, bim, au moins tu optimises. Ouais, t'as l'aide à la visée. Tu triches. Ouais, mais... Bref. donc voilà. Deathloop, c'est bien, mangez-en. Et puis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser, du coup, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a fait une bonne émission, deux heures, c'est bien. C'est pas mal. J'espère que dans deux semaines, on aura plein de belles news. Oui. On aura le PSVR 2. Bah, on saura l'achat, le prix. Mais s'il faut que ça soit un rituel, jusqu'à ce que ça sorte. On le dit à chaque fois et ça sort jamais. Non, j'espère qu'il sera pas là. Deux semaines, 26, on sera encore en mai. Ouais. Admettons. On verra bien. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à partager l'émission. N'hésitez pas à commenter l'émission aussi par tout type de plateforme que ce soit. À en parler autour de vous, hein, parce que c'est le bouche à oreille qui va nous aider justement à grossir comme des grosses grenouilles. Et puis, la comparaison est complètement foireuse, mais c'est pas grave. Grosse grenouille. Et puis, on se dit à dans deux semaines. On vous fait de gros bisous. Et puis, ciao, à bientôt. Bisous. À plus tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. C'est bien, on est toujours vraiment au taquet quoi pour les préparations, il n'y a rien qui fonctionne. T'es prêt mais t'es plus prêt. Et puis après t'es reprêt, et puis après t'es re-plus prêt. Et puis après, voilà. C'est quoi ton insecte bleu, Laurent là? C'est un truc qui vaut 3 balles. Et ben c'est génial. Parce c'est une que... barrette. C'est comme une petite puce, tu vois. Ça m'étonnerait. Ah. Et ça, tu mets une pile dedans, tu l'allumes, il se balade de partout dans la baraque, et le chat, il s'éclate avec. Oh, d'accord. Tu vas me dire que dans le fafond de l'Ardèche, t'as pas des serpents, des souris et des lézards, plutôt, pour ton chat? Est-ce que ça marche, là? Les mulots, elle les a toutes bouffées, déjà, mais avec ça, elle s'éclate. Ouais, c'est bon, c'est lancé. Ok. 1, 2, 3. C'est parti. J'espère qu'on m'entend bien, ça n'a pas l'air de saturer. On t'entend très très bien. Oui. C'est vrai, c'est trop fort ou quoi? Loud non, and clear. Bien. Loud ça and va. Clear. High and clear. Salut tout le monde. Right. C'est... ça faisait longtemps, tiens. Oh allez, ça t'a manqué à vous.